ce que je voulais dire, c'est que là, on va aborder quelque chose qui n'est pas hors d'actualité par rapport à actuellement, mais dans un début, alors que nous sommes dans une fin. Mais ce n'est pas la même chose, hein, c'est pas. C'est-à-dire que quand le pape François relance la joie de l'évangile, il veut relancer finalement un début d'évangélisation, une réévangélisation. Il est dans les conditions d'un début. Il vient d'une communauté jeune, l'Amérique du Sud, c'est récent. C'est, lui-même est là-bas depuis pas longtemps, sa famille, puisque sa grand-mère était encore vivante dans le Piémont du Nord. Hein, et que. Il m'émeut beaucoup parce que. Il échangeait au téléphone avec sa grand-mère en patois. Hein, ouais. Et donc, il sait encore le patois de la zone nord de l'Italie. Et donc, c'est pas loin, vous voyez, c'est vraiment dans. L'Amérique du Sud était bien sûr conquise il y a bien plus longtemps, mais c'est le démarrage au point de vue population est récent hein, dans ces pays-là. La croissance est très rapide depuis peu de temps. Donc il est comme un témoin, autant Benoît XVI était un témoin d'une Europe agile, unissante, etc., et extrêmement brillante au point de vue intellectuel. Autant le pape François vient un peu de l'extérieur finalement, de ça, il vient d'un renouveau qui est peut-être le véritable renouveau beaucoup plus important que celui des États-Unis, je pense, moi, de mon côté. Hein, c'est-à-dire que le renouveau de l'Amérique latine est quelque chose de beaucoup plus intéressant que les fausses nouveautés des États-Unis, qui sont en fait des vieux trucs d'Europe un peu remâchés qui ressortent aux États-Unis. Il n'y a pas de véritable nouveauté dans ce qui se passe aux États-Unis. Il y a des nouveautés technologiques, hein, j'en fais partie d'une certaine façon de ce monde technologique. Il y a des nouveautés technologiques, il y a des exploitations des avancées de la science, hein, puisque il faut que vous sachiez que c'est seulement dans les années 1950 et autour de 1950 qu'on a à peu près toutes les bases de la préhension scientifique du monde. Avant, on ne les a pas du tout. On n'a pas du tout. Il manque des grands trous dans la logique. Et dans la logique et dans la façon de considérer le monde. Princeton, quand il y avait à la fois Claudel et puis Einstein, là, on était effectivement au niveau. Donc il y a plein de choses qui sont comme ça. C'est-à-dire que la rencontre, là j'étais ce matin dans une rencontre de Science et Foi, et là, c'était clair que les arguments qu'on pouvait échanger en Science et Foi n'étaient plus du tout les mêmes depuis les années 50, mais ils n'étaient toujours pas passés dans les journaux, et pas dans la plupart des cerveaux scientifiques. Hein, c'est-à-dire que vous avez très souvent des prix Nobel qui viennent à la télé et qui vous font de la métaphysique, où ils ont une compétence absolument nulle, ils ne s'aperçoivent même pas qu'ils disent des bêtises plus de gros niveau, parce que ce n'est pas leur spécialité, mais ils croient que leur prix Nobel leur permet de donner des leçons de métaphysique, de philosophie, de morale, etc. Et là, on voit le décalage finalement, parce qu'eux-mêmes ont été formés à la pointe de la technologie, et n'ont pas été formés du tout à la générale, au raisonnement simple, ou choses comme ça. Bon, est-ce qu'on est à peu près tous là? On va attendre encore un peu de temps. C'est le lien que ça tient beaucoup à écouter ce que j'ai raconté sur la main de la réservoir. C'est des choses de très importantes. Alors je suis allé un peu vite, et j'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais, c'est-à-dire vous apporter des. Mais je les dessinerai. Ça apporterait des petits éléments. Je me mets dans mes Il y a quand même des problèmes qui résistent. Oh ben, y a, heureusement, heureusement le monde. Non, mais ce qui ne résiste plus, c'est l'idée que l'idée scientiste qu'on va faire le tour du monde. Donc c'est pour ça que c'est heureusement que ça résiste. Non, non, mais je veux dire que les outils de base, justement, pour faire cesser le scientisme sont là. Ce qui n'était pas le cas avant les années 50. Et comme il faut beaucoup de temps pour former les gens, et que ça se reproduise, c'est qu'on arrive à trouver que les gens ont éliminé beaucoup de... les, comme tous nos philosophes s'étaient eux-mêmes perdus dans l'histoire du vivant, ils n'ont pas fait le travail d'intériorisation des résultats de la science, hein, de résultats de la logique souvent, et des choses comme ça. Donc voilà. Donc, je fais cette remarque-là, puisque j'avais un matin un petit peu que... Le plus grand problème de... problème de tous les temps en logique, ouais. Qui était de donner en 1970, ouais. On considère et, qui dévalorise notre rapport au monde. Ouais. On pense qu'il est inabordable dans des dizaines d'années. Mais c'est bien. Ah, oui, c'est bien. Non, on a basé on a fondé. Au plus rationnel, dans cette période de l'année 50 à 80 à peu près, on a posé les limites de la science, donc les limites du scientisme, en fait. Et donc ça, c'est important à savoir. C'est pour ça que ce que je fais là, je n'essaye pas de jouer au jeu de vous faire de la science ici, hein. Bon, parce que, bon, pourtant, vous avez raison, mais c'est pas mon objectif ici, mais... il faut savoir que des approches du type de celles que je fais sur l'Évangile ou autre sont des approches qui sont entièrement de nature, qui sont, font vraiment partie de la physique, enfin, de la, du raisonnement physique moderne et de le raisonnement logique moderne. Hein. C'est-à-dire, par exemple, ce que je fais sur les colliers est entièrement un produit qui n'était pas possible avant les connaissances en informatique des années 50. Donc les gens n'ont pas découvert parce qu'ils n'avaient pas le petit fil d'Ariane qui allait bien derrière. On pourrait y arriver. Bon, voilà. Marseille, elle arrive. C'est pas grave. J'étais un peu gêné parce que si je venais, je ne voulais pas commencer ça. Donc on va attendre 2 minutes qu'elle arrive. Et on va commencer la chose. Alors, on va repartir de la fois précédente. Alors, je ne sais pas si tout le monde était là la fois précédente. En fait, qu'est-ce qu'on avait démontré dans la fois précédente? On avait démontré, j'espère que vous avez démontré, j'espère qu'on avait bien expliqué, vous avez bien compris, qu'il se passe quelque chose de particulier pour l'anniversaire de la première Pentecôte, c'est-à-dire l'année 31. Cette chose très particulière, c'est que des femmes interviennent dans le fondement de l'Église primitive pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. On a eu un miracle de la Pentecôte avec un miracle de traduction. Et nous qui sommes à la première année, nous sommes mises de côté pour avoir des traductions, donc dans ce cas-là en grec, des traductions de ce que vous êtes en train de composer en araméen. Ah, donc c'est ça la chose importante. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la façon dont vous organisez l'Église, compte tenu du fait qu'il s'est passé la Pentecôte et que vous avez vu que la Pentecôte, le souhait de l'Esprit, puisqu'il vous a aidé à le faire en vous donnant la traduction des mots-clés du discours de Pierre et des autres finalement, le discours qui témoignait de la venue du Christ, de pourquoi il était venu, pourquoi il était mort, pourquoi il était ressuscité, pourquoi il laissait une église derrière lui et pourquoi cette église démarrait, ces choses essentielles pour qu'on comprenne ce qui se passait à ce moment-là. Cette chose-là se faisait dans un groupe d'hommes. Non pas qu'ils ignoraient ce que... Alors on va bien voir derrière que c'est pas... Ce qu'on a commencé à faire, c'est commencer par voir que c'est pas qu'ils ne faisaient ça sans les femmes. C'est pas le cas. Mais c'est qu'ils ne le mettaient pas en route en le déclinant comme de ça devait être décliné, du côté des femmes. C'est-à-dire que Alors, ça se traduit par le fait que les gens n'ont toujours pas compris et que vous avez des traductions de ce petit texte-là sous la forme de l'institution des diacres qui n'a absolument aucun rapport avec le problème. Il ne s'agit pas de l'institution des diacres. Il ne s'agit pas du fait que des veuves n'ont pas assez à manger et qu'il faut faire une soupe populaire pour les aider ou des choses comme ça. Ça n'a aucun rapport avec ça. C'est très clairement posé. C'est comment peut-on avoir, quand on est un groupe de femmes déjà moniales, déjà constitué en groupe de femmes épouses du Christ, veuves du monde, hein, c'est ça ce que ça veut dire, veuves du monde, comment peut-on faire qu'elles aient un cycle, un lectionnaire des heures monastiques, si vous voulez, pour employer le terme actuel, pour qu'elles puissent méditer pas seulement l'Ancien Testament pour lequel elles ont tout, puisqu'elles sont en grec et donc elles ont la traduction des Septante, elles ont les psaumes, elles ont les cantiques, elles ont tout, etc. Il y a d'ailleurs des synagogues à Jérusalem des années 10, donc on y chante, on a des choses comme ça, il y a toute une culture qui existe et qui permet de célébrer. Ça ne permet pas de célébrer le Verbe de Dieu qui lui a parlé en araméen et qui n'a fait aucun effort pour parler en grec. Parce que ce n'est pas son objectif. Son objectif est d'être constitué à l'intérieur du peuple hébreu, parlant araméen à ce moment-là, dans cette langue qui est moins savante que l'hébreu, et plus populaire, et plus ouverte, et en même temps la grande langue de communication de l'Espagne à la Chine. Donc la langue dans laquelle on fait les traités internationaux, dans laquelle on fait les contrats internationaux, etc. Donc c'est pas du tout une petite langue, mais c'est pas la même. Elle a changé, elle est vivante, et c'est la langue des princes, et Jésus est un prince. Bon, et or, on voudrait, ces veuves du monde, ces moniales, voudraient pouvoir faire leur prière remplie de la parole de Jésus. Bon. Et donc, il faut absolument choisir des hommes pour faire ce travail de traduction. Et les apôtres comprennent tout de suite. Ils disent, ben, c'est un travail spécifique, ça, aucun des apôtres ne va être dans ce groupe de traducteurs. On va choisir les traducteurs à cause du fait qu'ils sont inspirés, qu'ils sont bien inspirés, qu'ils sont remplis de l'Esprit Saint. Et on va les choisir en fonction aussi du fait qu'ils ont une belle vie. Hein, parce qu'on distribue du pain, ça n'a pas besoin d'avoir une belle vue, ni d'avoir d'être rempli de l'onction de l'Esprit Saint. Hein, donc c'est pas un problème. Et donc là, le pain, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Jésus. Et donc ils vont se retrouver chargés, ces 7 personnes, dont de façon très astucieuse, un grec qui est un prosélyte, c'est-à-dire qui n'est même pas juif, qui n'est même probablement pas baptisé, qui est là pour poser aussi des questions pour avoir une traduction qu'il puisse comprendre. Et donc là, on s'est posé la question la dernière fois, quelle était l'importance de l'ensemble des textes qui nécessitait la présence de 7 personnes à temps continu. Et donc on s'est dit qu'il fallait au moins un certain corpus de textes. Et je vous ai proposé la solution que, puisque les corpus de texte sont par petites sortes de composition orale et par petites perles, ou plus ou moins grosses, pour les tailles moyennes de composition, eh bien ça voulait dire qu'il y a au moins quelque chose qui va tourner autour de 200 textes, si on veut que chacun ait quelque chose comme une trentaine de textes, ce qui n'est pas idiot, hein, c'est-à-dire une à deux semaines pour travailler sur chacune des petites perles. Donc voilà, c'est à peu près la taille. Ça veut dire que la première année était disponible au moment où cette demande a été faite, était disponible à peu près 200 perles de composition. Vous savez que l'évangile est constitué essentiellement de petits textes faits avec un soin extrême, où chaque mot compte, et qui sont soit des mots les plus exactement venus de la bouche du Christ, ou des rapports sur ces miracles, sur ces actions, sur ces gestes, puisque Le Seigneur s'est incarné non pas pour apporter seulement sa parole, ce qu'il arrivait déjà par les prophètes, mais pour la mettre en geste et nous montrer jusqu'où Dieu allait dans la mise en geste comme homme, hein, comme fils de l'homme. Voilà. Bon, donc là, c'est cette partie-là dont on a vu la dernière fois l'importance et qui nous a amené à nous poser la question, qu'est-ce qui a été composé à cette date-là par les apôtres, et à faire aussi un lien avec le groupe des 120 qui sont dans la chambre haute en train de recevoir l'Esprit. Donc Étienne, qui est le chef de traducteur, fait partie des 120, hein, qui comprennent les 72, les 12, les 72 ça fait 84, il reste 36, ces 36 c'est sûrement les femmes, hein, et qui ont reçu l'Esprit Saint. Et qu'est-ce que c'est donc ces compositeurs, et quel est le contenu de ce qu'ils composent? Et il est complètement naïf d'imaginer qu'il ne s'agit que de traduction de textes composés par les apôtres masculins. Il faut, si c'est des femmes qui demandent ça, c'est bien parce qu'elles savent qu'en araméen, on apprend déjà, hein, parmi les femmes quelque chose. Pas seulement que ça s'apprend et que ça se pratique chez les hommes, mais que ça s'apprend et que ça se pratique chez les femmes. Donc, pour celles parmi vous qui sont des femmes, ce que je vais dire maintenant est relatif au premier texte. Alors, on reviendra la fois prochaine sur les textes qui sont composés par les hommes, hein, la grande carousotasso, c'est-à-dire le grand texte de départ. Mais là, on s'intéresse aux textes qui sont composés par des femmes, ou qui ont été composés avant par des femmes. Alors, bien entendu, le centre de la composition est constitué par Marie, la compositrice exceptionnelle dont vous n'avez pas imaginé, vous ne pouvez pas imaginer, il faut se pencher dans sa langue et dans ses productions littéraires pour voir à quel point c'est extraordinaire que cette femme comme compositrice. Il faut savoir aussi qu'il y a toujours dans tout groupement humain, en tradition orale, des personnes qui sont pas seulement des traditionneurs, mais qui sont des compositeurs. Et on ne peut être compositeur dans un groupe de tradition orale que si on connaît suffisamment le corpus des textes de la tradition. C'est-à-dire, pour Marie, c'est forcément de connaître complètement, et on va en parler tout de suite après, c'est de connaître complètement l'ensemble des textes de base de la liturgie, c'est-à-dire les grands cantiques et surtout les psaumes. Donc il faut savoir tous les psaumes par cœur pour être capable de composer dans la tradition. Composer dans la tradition, ça veut dire composer en reprenant les mêmes formules. Alors, sont déjà faits les textes sur l'enfance. C'est complètement inimaginable que des femmes n'aient pas composé les événements qui se passaient autour de Jésus dès la fin de ces événements, dès que ça s'était passé. Alors, je vous conseille, si vous avez le temps, je pense que ça doit être le dimanche prochain, le dimanche d'après, mais ça sera annoncé. Sur le jour du Seigneur, il y a toujours, une fois par mois, des éléments sur les églises orientales, hein. En ce moment, et donc vous aurez la chance d'entendre ce que j'ai déjà entendu moi chez mes amis chaldéens, l'enregistrement qui a été fait le surlendemain de l'arrivée des persécutés de Mossoul, quand ils sont arrivés à Erbil sous les tentes, après deux nuits et choses, tout de suite ils ont composé l'histoire de ce qui s'était passé. Et donc vous pourrez peut-être entendre un récit qui est une alternance de femmes et d'hommes qui parlent et qui composent les femmes sur une légère mélopée de pleureuse, si vous voulez, d'une certaine façon, sur une certaine mélopée, les hommes plus sobrement, vous les entendrez à réciter ce qu'ils ont composé, qui est le témoignage de ce qui s'est passé deux jours avant, quand ils ont quitté Mossoul. Et quand ils ont fait les 30 km, la plupart à pied, pour arriver à Erbil. Et pour se coucher plus ou moins mal sous la tente, etc. Alors qu'ils ont traversé toute la zone qui est la plaine, là. Ils l'ont traversé sous un soleil de un peu de plomb à ce moment-là. Bon. Donc, il est en dehors du monde réel de ces gens-là, puisque leurs descendants, puisque nous avons parmi ces gens qui sont partis, le conservatoire des judéo-chrétiens qui sont vivants. Hein, c'est pas, il ne faut pas les trouver chez nos chers frères juifs qui ont été à New York, en France, ou machin, qui ont fait, etc. C'est pas du tout ça. C'est des gens qui ont vécu dans les mêmes conditions, avec la même langue, avec les mêmes procédures d'échange de vie, de fabrication des éléments de base de la vie, de vie pastorale, etc. Donc il y a les mêmes langues, la même langue, les mêmes choses, etc. Et les mêmes traditions. Et bien, ils ont composé, comme ça se devait, quelque chose qui est une histoire, qui est l'histoire de ce qui s'est passé. Bon, donc là, c'est la même chose qui se passe. Si Marie compose quelque chose sur l'enfance, elle le compose tout à fait après ce que ça se soit passé. Et donc ces textes-là supposent déjà, quand on regarde ces premiers textes-là, ceux qui sont conservés par Luc, mais il y a aussi Joseph qui compose, hein, comme sur ce que je vous raconte sur les chrétiens Erbil, les hommes et les femmes composent en complémentation. C'est toujours fait. Si ça met en cause l'ensemble d'une communauté, ça doit être fait alternativement par les hommes et par les femmes. Et donc là, vous avez les textes qui sont conservés dans Matthieu, de Joseph et les deux. Et vous pouvez les insérer l'un dans l'autre, ils se complètent. Il y a eu une récitation, à des moments, il y a eu des récitations de l'ensemble complet, des uns avec les autres. Et donc, mais c'est pour ça que c'est cohérent, c'est pas cohérent par hasard, c'est cohérent par composition, et par composition tout de suite après les faits. Donc vous avez cette composition, et là on peut voir déjà, alors, l'exemple le plus extraordinaire, c'est bien entendu le Magnificat, qui est un merveilleux tissu de textes de l'Ancienne Alliance, essentiellement de textes prophétiques, un peu de psaumes, il y a un mélange de psaumes et de textes prophétiques. Et donc ça prend deux cantiques de base. Ce qui prouve bien à quel point les gens sont en dehors de ce monde-là, c'est que quand vous ouvrez vos livres et qu'on vous dit « voilà, c'est le cantique d'âme », voilà, le Magnificat, c'est basé sur le cantique d'âme, ce n'est que la moitié de la composition. Il y a un autre cantique qui est dans le livre de Tobie et qui est complémentaire. Et la base du Magnificat est faite de ces deux bouts complémentaires qui sont retissés pour décrire la réalité de ce qui se passe dans Marie. Pourquoi le texte de Tobie? Parce que le texte de Tobie, alors ça on ne vous le cite pas du tout, hein, vous ouvrez votre truc, on ne vous cite pas du tout le texte de Tobie, mais c'est très facile à retrouver. C'est le texte qui se passe lorsqu'il y a l'interaction de Tobie avec l'ange Raphaël. Donc c'est les mêmes conditions, si vous voulez. Hein. Donc les mots juste pour parler de la visite de l'ange, ils étaient dans Tobie. Hein. Donc voilà, ça a fait cette réunion-là. Alors, donc ces textes-là peuvent être appris, peuvent être transmis. Je ne suis pas sûr que Marie ait transmis le texte de Joseph, elle va transmettre sa propre tradition. Et puis je pense que ça doit être probablement Jacques le Mineur et Jules, les cousins donc les petits-neveux de Joseph, qui vont eux pouvoir le réciter et le faire mettre à l'intérieur du texte liturgique qui constitue le système liturgique de l'évangile de Matthieu, hein, le lectionnaire liturgique annuel de Matthieu. Donc là, il y a déjà ça, mais ça ne fait pas beaucoup de perles. En fait, ça en fait sept. Il y a plusieurs façons de découper, mais enfin, il y a sept perles, voilà, sur l'enfance. Et ensuite, il se passe quelque chose, c'est que pendant que les apôtres sont envoyés faire un parcours de remémoration qui va énormément les aider au niveau mémoriel, c'est-à-dire qu'ils ont fait N fois le trajet de Jérusalem à la Galilée et retour, puisque Jésus quadrille le pays, Et donc passe de, du nord au sud par différentes routes en fonction du temps pour quadriller et visiter le plus de communautés possible. Et donc ça donne un certain fouillis dans la tête des apôtres. Et donc il fallait ce qui constitue le collier tronc, ce qu'on appelle le collier tronc, c'est-à-dire un premier groupe de perles qui sont telles que ça soit un parcours clair. Bon, ce parcours clair, c'est le parcours de rémunération, donc ils sont faits où l'ange envoie à la demande, explique aux femmes qu'il faut dire aux hommes, intéressant, hein, c'est les anges qui disent aux femmes qu'il faut dire aux hommes qui doivent se rappeler, qu'ils doivent aller en Galilée. Bon. Et donc c'est ce trajet-là qui va faire une espèce de petit collier tronc, hein, et ce petit collier tronc va permettre à partir de ça de construire un texte évangélique. Voilà. Donc, les hommes font ça, et ça va être le gros travail des hommes de faire un ensemble de 5 fois 5, c'est-à-dire 25 perles à deux voies, ce qui fait 50 perles en total. Voilà, donc ils ont composé 50 tonnes, dont certaines sont un peu grosses comme celles que Jean va composer. Et à mon avis, il y a derrière probablement de l'aide de Marie et Jean derrière. Et donc il y a ces 50 perles d'un côté, et de l'autre côté, pour l'instant il y a ces 7 perles, mais Marie met en route tout de suite une remémoration, elle ne va pas en Galilée, elle refait le parcours de la Passion. Et donc si vous prenez l'évangile de Luc et que vous faites bien attention, vous allez voir que il est constitué de 24, le texte de la Passion de Luc est constitué de 24 petits bouts, 24 petites perles, et qui s'accrochent de façon très claire sur les 24 heures du Vendredi Saint. Donc le Vendredi Saint commençant le jeudi soir, la tombée du jour, donc à Pâques. Alors, c'est pas présenté comme ça, malheureusement, dans votre lectionnaire habituel, mais c'est assez facile à voir. Et en plus, il y a des rappels, parce qu'on parle de, à peu près des. Comme c'est par groupe de 3 heures, hein, c'est la façon de compter en Mésopotamie depuis des dizaines de siècles. Hein. C'est donc par groupe de 3 heures, et donc vous avez de temps en temps des repères qui vous disent que c'est midi, que c'est 3 heures, des choses comme ça. Voilà, donc c'est facile à voir, et chacune de ces stations donne l'occasion de prendre un psaume ou un psaume et un élément prophétique qui annonçait la Passion, et de prendre justement la Passion comme réalisation. Donc Marie a très bien compris que le Christ réalise les prophéties, et donc il lui fallait retrouver dans les psaumes et dans les prophètes ce qui se passait pour chacune des heures et qui était prédit par les psaumes et les prophètes. Et donc c'est ce qui se passe hein, dans la pratique. Je vous recommande si vous avez un peu envie de travailler là-dessus, parce que c'est vraiment un tissage absolument extraordinaire. Vous le trouverez dans la page 109 du collier, des colliers évangéliques. Vous le trouverez pour les 24 endroits. Je vous ai rappelé quels sont à chaque fois le psaume, le bout de psaume qui est pris, qui sert de base, et puis les prophètes. Des fois, il y a 2 psaumes, 3 psaumes. Souvent, il y a Joël, il y a Isaïe, etc. à chaque fois. Donc, c'est des petits bouts qui sont pris. Et donc, chacune de ces petites perles est constituée de cette façon-là. Et donc Marie met en place un système où vous allez commencer à comprendre quelque chose qu'on peut voir maintenant chez des mystiques comme Marc Robin, qui est cette célébration de remémoration de la Passion en continu, heure par heure. Et donc si on prend le texte, si on répète les psaumes qui sont derrière, et souvent en les prenant plus longs que la partie qui est donnée, hein, c'est ce que vous avez par exemple quand on vous cite le prophète, le psaume 22 sur le psaume 5 ou 10 ans, vous bien sûr l'avez parlé. Donc si vous prenez les textes complets derrière, et que vous les répétez, vous les méditez une heure, etc., ça veut dire que Marie a sûrement constitué très vite son parcours de tous les vendredis, qui consistait à refaire la Passion au lieu où elle avait eu lieu, Et il s'est renseigné avant, probablement avant que les apôtres partent vers leur tour, pour savoir exactement où c'était, voire elle a dû demander à son fils ressuscité, pour être bien sûr. Et elle a fait ça comme un espèce de monument de remémoration. Hein, voilà. Donc là, vous auriez 24 perles, si vous voulez, mais c'est des petites perles, hein, surtout très courtes, pour être méditées. Mais il y a aussi les textes qui sont derrière, qui sont plus gros. Voilà. Donc là, ça fait l'équivalent d'une cinquantaine de perles. Alors, c'est vraiment pas encore suffisant, mais là, on va commencer à rentrer dans quelque chose qui est ce que Marie doit composer comme les choses les plus importantes à transmettre pour les 3000 personnes qui sont en train de se joindre aux 500, et probablement pour une partie des 500 qui ne les ont pas vécues. Donc il faut composer ça, et pour composer ça, il faut arriver à recueillir suivant une ligne directrice. Et la ligne directrice, c'est essentiellement de passer de ce qu'elle a composé dans ce qui s'est passé au moment de la naissance de Christ, et l'arrivée, c'est ce qui est arrivé à la passion et à la résurrection. Alors, dans la résurrection, je fais aussi une remarque tout de suite pour dire que ce n'est pas que Marie qui compose. Vous savez tous que le jour de la résurrection, le dimanche de la résurrection, pratiquement il n'y a que des femmes qui sont témoins de la résurrection, de façon importante. Hein. Il n'y a essentiellement que des femmes, plus les disciples d'Emmaüs, mais ils arrivent à la nuit tombante, donc ils ne sont plus le dimanche. Donc si on regarde essentiellement ceux qui sont le dimanche, ce sont des femmes. Et ces femmes vont composer aussi des petites perles qui représentent chacune ce qu'elles ont vécu. Et donc c'est ce petit corpus qui comprend une quinzaine de perles et qui va être repris dans les quatre évangiles, hein, et qui sont des éléments composés par les femmes. Alors, pourquoi c'est composé par les femmes? Comment on peut le vérifier? Alors ça, c'est une chose à la fois vraiment du pays pour savoir ça. Les femmes n'emploient pas exactement les mêmes mots et les mêmes formes verbales que les hommes dans ces pays-là. Donc on peut discerner si le compositeur est un homme ou une femme. Hein. Alors, mais ça, il faut être du pays pour le savoir, on peut le discerner. Et puis on peut le discerner en plus d'une autre façon, c'est-à-dire que la relation est une relation de femme au réel et pas une relation d'homme. Il n'y a pas de violence directement, mais la souffrance créée par la violence est décrite. Il n'y a pas de lieu qui ne soit situé, dans ce que je vais dire sur le bout qui est composé entre les deux, là qui va être entre cette mémoire de la résurrection. Qui est la vraie mémoire finalement, puisque c'est sur les femmes sont témoins, et puis l'enfance, dans ce bout-là qu'on appelle en Orient le collier de la miséricorde, la sœur de Hanan, bon, cette zone-là va être caractérisée par un emploi inhabituel de ce qui est relatif à la maison. Vous avez pratiquement dans tous les textes, vous trouverez des éléments qui s'appellent la maison. Où la maison apparaît, le terme de maison apparaît, ou le terme de repas, ou le terme de lieu où on est, etc. Alors que dans la plupart des textes des hommes, c'est des lieux de plein air, des lieux où on bouge, des lieux où on fait quelque chose, etc. Donc on sait assez bien reconnaître finalement le compositeur des textes. Donc on arrête de fantasmer en disant que c'est des gens qui ont écrit en grec, composé en grec un siècle après, ça n'a aucun rapport avec la réalité du texte. La réalité du texte, c'est que c'est sur le vif et c'est ce que je vous ai raconté pour donc ce récit qui a été mis deux jours après l'arrivée à Erbil par des compositeurs à l'intérieur des 10 000 réfugiés persécutés de Non, voilà, on a ces deux choses-là. Alors, il y a une chose supplémentaire qui est importante de comprendre, c'est pourquoi c'est des femmes devant lesquelles doit se jouer la vision du Christ ressuscité en priorité. Et même à la limite, vous savez bien qu'il n'y a pas de représentation, il n'y a pas de mémoire de l'apparition du Christ ressuscité à sa maman, à la Vierge Marie. C'est-à-dire qu'il y a aussi, caractéristique du monde féminin, une extrême pudeur. On ne donne pas les sentiments des personnes, très peu, etc. Une extrême pudeur, donc c'est assez normal que ça n'y soit pas. Donc ça, c'est lié au fait que ça balaye quelque chose qui est un hébraïsme exagéré, qui correspond au monde juridique du temps de Jésus, déformé depuis une génération par l'introduction exagérée des pharisiens et des scribes dans les procès, qui exige que tous les procès soient gérés par des hommes. Et donc les témoignages des femmes ne sont pas retenus pratiquement. D'ailleurs, ça a un avantage pour elles, c'est qu'elles ne sont pas condamnées non plus. Sauf s'il y a un détriment pour l'homme. C'est pour ça, par exemple, que vous avez la condamnation de la femme adultère, parce qu'il y a un homme qui est victime de l'adultère. Donc il faut la tuer. Pas parce que c'est... on a détruit le mariage. Non, c'est plus tordu que ça. C'est-à-dire, c'est le préjudice est masculin et l'homme masculin peut demander la mort de la femme. Et il n'y a pas de réciprocité, bien entendu, dans ce genre de choses. Donc, c'est important que vous voyez ça parce que c'est aussi une façon pour le Christ de rétablir quelque chose dans une société dont la justice est un peu tordue, a été tordue. Donc, c'est les femmes qui vont témoigner alors qu'elles n'ont pas le droit de témoigner. Elles peuvent être tuées sur dénonciation d'un homme. On le voit aussi dans ce qui se passe dans l'histoire de Suzanne à Babylone, Daniel à Babylone. Voilà. Donc il y a ce genre de choses qui est derrière. Donc, mais il faut bien comprendre que les femmes vont avoir dans ce cadre-là en Orient et pratiquement jusqu'à très peu de temps en Occident, vont avoir une position particulière relativement à la justice des hommes, c'est-à-dire qu'elles vont survivre. Elles vont survivre. Ce qui va être tué, c'est les hommes, dans les persécutions. Les Romains découvriront très tardivement que les femmes sont un rouage essentiel de l'Église, et si vous regardez bien dans le martyrologe romain, toutes les femmes martyres à Rome, ça ne commence qu'au 2e et 3e siècle. Il n'y a pas de martyrologe au 1er siècle et dans plus de la moitié du 2e siècle féminin. On ne tue pas les femmes. Et en Chine, on ne tuera jamais les femmes. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour la survie de l'Église, en particulier l'Église souterraine en Chine. L'Église souterraine en Chine existe depuis le début et a survécu à je ne sais combien de tas de choses par les femmes, puisqu'elles ne sont pas tuées. Alors, par contre, les femmes sont l'objet d'une mise à l'écart. Alors, vous trouvez très bien cette mise à l'écart dans l'Évangile, c'est la Samaritaine, alors que, bien entendu, dans la ville de Samarie, à côté, il y a des puits, elle est obligée d'aller puiser au puits à presque 2 kilomètres du centre, parce qu'elle est l'objet d'une réprobation générale. Mais on l'avait utilisé aussi en France, ce système-là. À un moment donné, on punissait les femmes par une certaine réprobation. On les mettait de côté. Voilà. Donc c'est une réprobation générale qui touche un peu moins les hommes quand même. Donc c'est important, mais c'est aussi ce qu'utilise le Christ dans l'annonce de l'Évangile, en s'appuyant davantage sur les femmes. Vous voyez. Elles ont à la fois à subir un sort qui est moins grave au niveau de la survie corporelle, mais elles sont moins martyres apparemment, mais elles peuvent être aussi martyres d'une certaine façon dans la durée, et puis elles peuvent à ce moment-là assurer la transmission. Donc il va y avoir un rôle très important des femmes dans ce groupe des femmes qui est là, dans ce groupe des veuves du monde qui sont là. Il y a la possibilité de constituer des groupes qui vont être capables de transmettre. Et de transmettre chez elles, c'est-à-dire dans les maisons. Voilà, donc ça, c'est un peu l'origine du groupe. Quand vous en avez parlé, vous regardez dans les Actes des Apôtres, quand Paul arrive à un endroit, bon voilà, donc il va dans une maison, et là, il met en route, on va en parler de ça, de ce processus, donc qui va reposer sur les maisons et sur les femmes. Voilà. Alors, quelle est donc la composition particulière qui va se faire dans ce cadre-là, dans cette année, et qui est faite donc au bout dès la première année, et qui est le produit des femmes, et qui est suffisamment important. Alors c'est très facile, nous avons la chance que Luc ait pu faire plus facilement, je dirais, le siège de Marie pour lui dire qu'il fallait qu'elle voulait avoir un texte complémentaire du prêche de Paul, hein, de ce qu'on appelle l'évangile de Paul, qui est le gros de l'évangile de Luc. Donc il reste dans l'évangile de Luc, vous le trouvez très facilement. Si vous prenez votre évangéliaire, quand il y a marqué sur chaque perle, il y a les textes parallèles, vous prenez les textes qui n'ont aucun parallèle, qui sont que dans l'évangile de Luc. Alors, bien sûr, ça comprend, bien sûr, des goûts de la passion, mais ce n'est pas présenté comme ça, mais ça comprend là pour la passion de Marie. Ça comprend, bien sûr, les éléments de la tradition des femmes qui sont le témoignage de la résurrection, mais ça comprend l'enfance. Et donc, il faut voir que là, on sort 25 perles que vous pouvez identifier, c'est facile à faire, vous les retrouvez tout à fait. Elles sont, bien entendu, dans le mode chronologique, c'est-à-dire que toute récitation de témoins est faite dans l'ordre chronologique. Et les femmes sont très à cheval sur cette chose-là, plus que les hommes. De temps en temps, les hommes trichent un peu là par rapport à ça, pour des raisons plus idéologiques, etc. Mais les femmes sont très pointilleuses sur le fait que, vous avez dû le remarquer dans la mémoire familiale, très pointilleuses sur la succession correcte des événements. Non, l'oncle tel n'était pas mort à ce moment-là. Voilà. Donc les femmes sont très pointilleuses sur cette chronologie. Donc ça conduit ces 25 perles à être réparties sur tout l'évangile. Puisque ce qui est recueilli, c'est un thème dont le sujet du thème est donné en fait dans l'évangile de l'enfance en lien avec la passion. Quel est ce qui se passe dans l'évangile de l'enfance en lien avec la passion? C'est la rencontre du prophète Siméon, hein, quand ils viennent au temple pour faire le sacrifice d'offrande du premier-né masculin. Donc Jésus est premier-né masculin. Donc on fait une offrande qui date d'une décision qui vient de l'histoire de la sortie d'Égypte. Hein. Et donc on fait une offrande, et comme ils sont assez pauvres, bien ils font une offrande de la plus petite offrande possible, c'est-à-dire un couple de tourterelles. Mais c'est intéressant parce qu'ils font une offrande de deux tourterelles. Les tourterelles, ça se dit en araméen Yuna. Yuna, c'est quelque chose qui est, vous entendez peut-être par imitation, Yuna, Yuna, c'est le roulement de la tourterelle. Hein. Et c'est le modèle qu'on emploie pour la conversation de cœur à cœur, pour transmettre quelque chose. On parle comme une colombe, si vous voulez. Hein. C'est un roulement de colombe, c'est le cœur à cœur de l'échange. Hein. Donc, il y a à cet endroit-là, donc, un vieillard Siméon qui vient, et Marie lui donne l'enfant, lui met l'enfant dans les bras, et donc il regarde l'enfant, et avant de le rendre à sa mère, il dit une chose extraordinaire, il dit, c'est pas bien traduit dans votre texte, il dit la chose suivante, « Laisse-moi, Seigneur, partir en paix, car mes yeux voient la miséricorde. » Mes yeux voient la miséricorde. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit un enfant. Et donc il dit, mes yeux, ben, c'est prophétique. C'est ça la prophétie. C'est quand ce qui sort de la bouche de la personne lui échappe, et c'est l'Esprit Saint qui remplit de densité ce qui est dit. Voilà. Alors, et il rend l'enfant à sa mère, et à ce moment-là, il lui dit l'annonce de la passion, et un glaive te transpira. Alors, en plus, le glaive est encore plus précis que ça, parce qu'en araméen, c'est la lance te transpercera. La lance te transpercera. Voilà. Donc là aussi, vous voyez, la prophétie est d'une précision extraordinaire. La lance te transpercera. Alors, le cœur. Bon, donc, Marie a compris dès le début. Alors ça, je voudrais que vous l'ayez bien compris, parce que il y a une vision de Marie qui pour moi est assez absurde. C'est-à-dire, On hésite entre le bisounours et puis une femme d'Israël. Voilà, voilà. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas une mère d'Israël, au sens où on parle actuellement. Et puis c'est pas bisounours. Hein. Alors qu'est-ce que fait Marie dans sa tête quand elle entend l'ange? Elle se récite le texte de Daniel sur cette situation-là qu'elle est en train de réaliser et de vivre. Et ce texte de Daniel a comme complément, dans l'ensemble de Daniel, quelque chose qui annonce la mort du Messie, qui annonce le Messie comme fils de l'homme et qui annonce sa mort. Dans le texte de Daniel, dans le livre de Daniel. Le livre de Daniel, on le met toujours de côté, etc. Non, il ne faut pas le mettre de côté. D'abord, Jésus, il s'y renvoie plusieurs fois. D'abord, il emploie systématiquement les mots de Daniel, du fils de l'homme, il l'emploie systématiquement, donc ça ne vient pas au hasard, c'est vraiment ça. Voilà. Et donc, quand elle a cette visite de l'ange, elle a déjà compris quelque chose que va lui dire Siméon après, mais que Siméon va jusqu'au bout en lui parlant de la lance qui la transpercera. Donc, ce qui est caractéristique de ces 25 pères, c'est que ça va faire le pont entre cette déclaration de Siméon et puis la mort du Christ et la lance. Alors Marie, bien entendu, dans sa passion, ne parlera pas de la lance, et c'est Jean qui parlera de la lance. Bien sûr, c'est trop douloureux. Même si elle ne l'a peut-être pas vue, même si je ne sais pas quoi, etc., c'est pas le problème, c'est trop douloureux. Et c'est trop la réalisation de la prophétie de Siméon. Bon, donc on a 25 perles qui vont s'accrocher d'un côté à la prédiction de Siméon sur je vois, j'ai entre les mains, entre mes bras et mes mains, j'ai la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire que le nom donné, alors que Marie a reçu le nom avant qu'elle annonce, hein, parce que c'est elle qui donne le nom, c'est les femmes qui donnent le nom aux enfants, hein, contrairement à vos traductions. Hein. Donc c'est elle qui annonce, qui appelle dès le début, d'ailleurs ça apparaît dans Magnificat, qu'elle a compris tout à fait le sens de Jésus, hein, de Dieu qui sauve. Elle a un élément nouveau complémentaire, Jésus sauve par miséricorde. Il est la miséricorde de Dieu. Voilà. Bon, ça va? Vous voyez un petit peu comment ça s'articule. Donc c'est ces éléments-là qu'on va mettre en place maintenant pour essayer de comprendre ces 25 perles. 25 perles, c'est 5 fois 5, 25. Tiens, c'est bizarre, ce que composent Jean et Pierre, c'est 25 perles, chacun. Donc nous avons un texte complémentaire de 25 perles qui vient de Marie et des femmes. Donc il y aura trois textes qui seront composés, qui sont le premier élément de ce qui va être transmis, qui comprend aussi, bien sûr, les témoignages sur la résurrection des femmes, et qui comprend du côté des hommes, de la même façon, les témoignages sur la suite, c'est-à-dire les apparitions de Jésus dans la résurrection, c'est-à-dire la suite qui suit, hein, pendant la nuit qui suit, jusqu'à Thomas. Voilà. Une petite remarque que j'aurais dû apporter, dans ce qui a été sauvé là, de Minier, de Mossoul, il y a un manuscrit qui a été sauvé et qui est avec une très belle peinture, c'est un manuscrit ancien. Et dans ce manuscrit, vous avez le Christ au milieu qui tient à la main le rouleau. Ça, c'est le rouleau de commandement. C'est lui qui a la loi. Voilà. Il a dit la même chose. Et à côté de lui, il a Saint-Pierre, qui a aussi le rouleau. Et il a de l'autre côté Thomas. Et il prend la main de Thomas. Et puis, il lui fait toucher son côté ouvert. Voilà. Donc voilà, on a une image des deux. Alors ça, je voudrais que vous mettiez ça dans votre tête, parce que vous arrêtiez de voir l'Église comme occidentale, je vous en supplie. L'Église, elle est moyenne-orientale, elle est au centre du monde. Voilà, et puis il y a une branche occidentale, une branche orientale, voilà. Et donc, vous avez les deux. La primauté, le rouleau est à Pierre, le rouleau de la loi est à Pierre, mais celui qui a que lui. Et alors, dans le petit texte qui est autour, c'est super, bien, je vais lui apporter ça, je vous apporterai la prochaine fois. Dans le petit texte qui est autour, du côté de Thomas, il y a il m'a pris la main pour faire toucher son côté. Et de l'autre côté, moi, Pierre, je n'étais que sable. Vous avez compris ça ? Les maisons fondées sur le roc ou sur le sable, moi je n'étais que sable. Voilà. C'est super, absolument super. Voilà. Bon, donc voilà, donc, je vous raconte ça parce que c'est pour que vous compreniez dans quel esprit est composé ces 3 fois 25 perles, hein, qui sont les 25 perles de Pierre et de Jean qui se complètent, et les 25 perles de ce collier de la miséricorde. Bon, alors ensuite. J'aurais aimé qu'on aille un petit peu plus loin dans ces 25 perles et qu'on comprenne qu'elles essayent de dire que la miséricorde, ça consiste à ce que Dieu s'incarne dans son peuple, dans le peuple qu'il a préparé pour le recevoir. Hein. Et donc il y a une relation de haut en bas. Et puis, d'une certaine façon, il y a un trajet. Dans l'autre sens, hein, on utilise en général, quand on récite, on a la gauche et un peu en arrière, on a le temps passé, et devant, un peu en avant, on a le temps présent. Hein, donc on a quelque chose qui se déplace comme ça, et qui est la récitation de quelque chose qui va se dérouler dans tout l'évangile, et qui va consister en quelque chose dont la perle centrale est connue, la perle centrale est la suivante. Jésus mange avec les publicains, et reçoit, accepte auprès de lui les pécheurs. Voilà, donc ça, oui, ça c'est un peu... En fait, je ne suis pas venu, dit-il, pour les justes, je suis venu pour les pécheurs. Et donc, il est venu pour faire un trajet de conversion. Et donc, puisque c'est des femmes, on va parler en détail du trajet de conversion des femmes. Et donc, le texte qui va représenter cette conversion est le texte de la conversion de Marie-Madeleine, hein, qui vient pleurer au pied de Jésus. Donc ça, c'est la pécheresse, le pécheur, la pécheresse. Là, c'est le neutre comme en français, il y a un neutre comme en français. Et puis, de l'autre côté, c'est Zachée, hein, puisque on entend aujourd'hui dans la liturgie. De l'autre côté, vous avez Zachée, et Zachée, c'est le publicain. Et là, son défaut, lui, c'est d'utiliser l'argent à son profit, finalement. C'est un truc vraiment d'homme classique. Voilà. Et puis, elle utilise l'argent, l'argent qui vient de sa famille, qui est manifestement une productrice. Ses parents sont des producteurs et son frère à la suite. Son frère, sa soeur, ça sont des producteurs de parfums. Et donc, elle utilise l'argent. Pour une fois, elle l'utilise au moins pour onctionner les pieds de Jésus. Et là aussi, on a une annonce de la résurrection, de la passion, puisque c'est la même qui va redonner une onction à Jésus, juste avant sa passion. Vous voyez comment c'est construit. Il faut que vous compreniez comment ces femmes ont construit ce texte-là. Donc, un texte qui va d'un côté vouloir faire le passage depuis la pécheresse jusqu'à Zachée. Alors, on peut l'étendre quand même un peu plus, parce qu'avant, il y a une histoire d'une veuve qui ressuscite un jeune homme. Elle a un fils unique, il est mort et elle le ressuscite. Et l'Église de l'Orient a l'habitude, durant le samedi, de répéter cette récitation, puisque c'est Marie qui est en train de se la répéter en attendant le retour du Christ. Bon, voilà. Et puis de l'autre côté, vous avez le bon larron. Hein, le bon larron, hein. Je vous rappelle que ce n'est pas un bon larron du tout, hein, que c'est un criminel de grand chemin, et que s'il est condamné à un jour de Pâques très solennel, etc., en même temps quand même qu'un prince qui est Jésus, et ben c'est parce que c'est un criminel de répétitif. Hein. La bourse ou la vie, à ce temps-là, ça fonctionnait au couteau. Hein. Donc ça ne fonctionnait pas comme ça sur Internet ou dans le métro. Voilà. Donc, vous avez ça qui est une première chose qui est dans le sens. Bon, voilà, ça y est, vous avez compris, il y a cinq perles là qui vous font ce pont depuis le début de l'évangile jusqu'à la passion. Et donc, il s'accroche d'un côté à la prédiction de Siméon, et de l'autre côté, ça va s'accrocher au bon larron, si vous voulez, à l'annonce du paradis, qui est le maximum de dons qui peut être fait par Jésus à un criminel. Il est venu sur terre, et bien il repart avec un criminel qui invite au paradis. Dans la tradition de l'Orient, l'Église de l'Orient, il y a une célébration d'une espèce de texte liturgique où le bon larron est figuré avec et va à la rencontrer l'ange qui garde le paradis et lui dit qu'il a la clé et il montre sa croix. Voilà. Donc c'est superbe. Oui, on est toujours dans ce monde d'analogie dans lequel baignent les compositeurs à ce moment-là. Voilà. Alors, de l'autre côté, donc ça fait ça, mais on peut aussi dire qu'il y a en même temps quelque chose qui se passe et qui est important, c'est que quelque part, on a envie de rapprocher ces trois choses, c'est au moins ces trois choses, c'est-à-dire la pécheresse. Le fait que Jésus mange chez les publicains et pêcheurs, et puis cette arrivée à la croix par l'intermédiaire de Zachée vers le mont Larron. Hein, donc voilà ces choses-là. Alors, ça fait un premier groupe de trois perles importantes. Alors, il y a trois autres perles qui sont très importantes. Ça, c'est, vous voyez, c'est plus sur le trajet transversal. Hein. Et sauf qu'on va se poser la question, on va se poser une question tout de suite après pour voir, je vais vous expliquer comment on peut se poser la question. Et puis de l'autre côté, il y a une chose qui est importante, c'est que il y a quelque chose qui se passe dedans, qui est un miracle de Jésus dans la parabole, dans la synagogue, qui vient et qui guérit une femme qui est courbée depuis 18 ans. Hein, qui a un très gros, vous avez peut-être vu, ça existait dans les montagnes, autrefois, des pauvres femmes qui étaient très courbées. Hein. Alors maintenant, on a fait beaucoup d'exercices, de machin, on en voit un peu moins, et puis il y a eu beaucoup de cortisone, et voilà. Et donc, ça a permis d'avoir moins de femmes courbées, mais c'était quelque chose qu'on voyait quand même bien. Enfin. Et donc, il y a cette femme courbée quand même, mais depuis 18 ans. Alors, 18 ans, qu'est-ce qui se passe 18 ans avant cette époque-là, eh bien, à l'époque où il y a cette chose-là, 18 ans avant, on est en 10 après Jésus-Christ, en 9 Jésus est au temple, en 9, tiens, c'est bizarre, c'est la 7e perle, l'histoire de Siméon, c'est la 6e des 7 perles de la nativité, qui sont sur la nativité, c'est la 6e des 7e perles, et la 7e perle, c'est Jésus au temple. Et Jésus au temple, comme c'est bizarre, il y a une histoire de 3 jours où il disparaît pour ses parents. Hein, on est toujours dans la même chose. Et donc, l'année, qu'est-ce qui se passe l'année d'après où cette chose-là arrive et où Jésus peut enseigner et être reçu au temple, hein, il est reçu essentiellement parce qu'il est reçu par, à ce moment-là, par le responsable, disons, au point de vue théologique, le grand responsable au niveau théologique, c'est Hillel, le grand Hillel, qui lui est la fleur, si on peut dire d'une certaine façon, la fleur de la pensée hébraïque avant le durcissement des pharisiens. Et il va en 10, il va mourir et être remplacé par Shammai, qui est un pharisien très intégriste. Voilà. Donc, eh bien, ça va se traduire par 18 ans de courbure de cette femme, et donc Jésus va l'adresser. Donc voilà, donc on est bien dans un exemple de miséricorde de Dieu pour son Église. Hein. Et puis, si je prends ça, je peux aussi m'intéresser à deux choses qui vont avec. C'est donc la miséricorde un peu pour Israël, mais c'est aussi la miséricorde pour une femme, il y a encore à nouveau une femme, et donc il faut regarder s'il y a des miséricordes pour des hommes. Et donc il y a deux miséricordes pour les hommes, une qui a réussi de façon évidente, et l'autre qui est laissée en pointillé. C'est ce que vous appelez le fils prodigue, hein, qui n'est pas exactement le fils prodigue, mais c'est pas très grave. Bon. Donc c'est celui qui a gaspillé, c'est le fils gaspilleur de l'argent. Quoi. C'est, il n'est pas prodigue, il est d'abord gaspilleur. Le fils gaspilleur, qui a quand même obliger le père à vendre la moitié du bien familial qui lui appartenait. C'était une avance de, d'héritage un peu forcé quand même. Voilà. Et donc il revient. Et puis il y a le frère aîné, hein, le frère aîné dont on ne sait pas comment est la suite. Est-ce qu'il va bien vouloir rentrer dans la salle du banquet où on célèbre le retour du fils des dépensiers, hein. Voilà. Et donc voilà. Alors on a deux éléments à trois. Ça fait là, donc il manque deux autres perles à chaque fois, deux autres perles qu'on peut aussi essayer, auxquelles on peut essayer de penser, et puis une autre perle. Et là, tout d'un coup, on se pose la question suivante. Alors je vais vous la poser de la façon suivante, vous allez comprendre. Donc, je vais dessiner ça. On va poser la question. Comment sont faits les 25 perles de Pierre et de Jean? 25 perles que vous trouvez à l'intérieur des évangiles, on en reparlera, des évangiles de Marc et de Jean. Eh bien, c'est des colliers à pendentifs. Voilà. Alors, celui-là est toujours, le central est toujours plus important. Voilà. Et puis, donc, vous avez 5 perles, voilà, comme ça. Voilà, puis vous continuez. Voilà, ça c'est un collier à pendentif normal, et ça effectivement ça fabrique 5 fois 5, égale 25, et puis en fait si vous rajoutez les récitations complémentaires, alors ça c'est des récitations typiques de tribunal, c'est dans un tribunal, celui qui parle c'est Pierre en premier, parce que c'est le plus âgé, et puis le deuxième complète ce qu'a dit le premier, et il ne dit pas surtout la même chose, parce qu'on ne confirme pas dans ces pays-là en disant chose, mais si on ne dit rien et qu'on rajoute autre chose, ça veut dire qu'on consent. Hein. C'est pas qu'il ne dit mot qu'on sent, mais c'est quand même un peu ce truc-là, c'est-à-dire que dans un procès, on n'encombre pas la tête des jurés de répétitions, choses comme ça, on dit les éléments complémentaires. Alors, ça arrange aussi pour faire des éléments complémentaires, pour renforcer ce qu'a dit le premier. Voilà. Donc, voilà. Donc ça fait, vous multipliez par deux, donc ça fait 5 fois 5, ça c'est Pierre. Et puis, deuxième témoin, Jean, 5 fois 5, égale 25. Donc la somme, ça fait 50. Voilà. Et puis vous allez trouver ici, par exemple, chez Jean à la fin, vous aurez Thomas, l'histoire de Thomas. Hein, et puis dans la Passion, vous trouverez à ce niveau-là, vous trouverez la balance. Hein. Voilà, chez Jean. Hein, juste pour vous comprendre. Alors là, c'est plus compliqué, puisque en fait, on a trouvé 5 perles qui décrivent cette connexion-là, la pêche centrale, il mange avec les publicains, ou il reçoit les pêcheurs, il mange avec les publicains, c'est donc Zachée ici, et puis ici la pêcheresse. Hein. Voilà. Donc on a 5 comme ça, qui sont dans un parcours horizontal, puisque juste avant, on va venir au collier de l'enfance, ça c'est l'enfance, là on va venir là directement à l'endée de la Passion, hein. Parce qu'on aurait pu faire aussi 6 pour qu'il y en ait un de chaque côté, mais en fait, vous savez que la mémoire habituelle, c'est sur les doigts de la main. C'est donc 5. Tiens, c'est bizarre, c'est sur les doigts de la main. 5 fois 5, c'est bizarre. Bon. Alors, donc, on a trouvé ça, et on a trouvé des choses qui consistaient à s'intéresser. Si, alors, supposons que je veuille à ce moment-là mettre une structure comme ça, je ne vais pas y arriver. Parce que. Bon, je peux mettre ça dans une structure verticale ici au milieu, au centre. Et d'ailleurs, c'est très curieux parce que quand je suis ça, après, je vais aller là et je vais trouver la femme courbée qui est ici. Donc, je serai en train de fabriquer quelque chose qui est comme ça. Et puis, peut-être que ce qu'il faut faire comme ça, enfin, c'est 3 choses. Et puis, on peut trouver ici en haut quelque chose comme ça. Hein, qui sont le fils prodigue, comme vous dites, en français, et puis le fils aîné. Voilà. Donc on va avoir un truc comme ça. Voilà. Alors ça, ça va quand même pas très bien, parce que là, pourquoi il faut le mettre vers le haut? Parce que c'est le père. On parle de la miséricorde du père. Ah, ah oui, donc le père c'est en haut. En bas, c'est la femme courbée vers la terre. Voilà. Ça va? Vous commencez à voir qu'il y a quelque chose qui se dessine. Voilà. Alors là, quand on commence à voir ça, on se dit, mais bon sang, comment elles ont fait ces femmes pour se rappeler les 25 dans l'ordre? Parce que je ne sais pas si vous savez, mais ça, ma chère femme l'a mémorisé, ce texte à 25 paires. C'est quand même dur à se rappeler 25 paires en suivant sans faire d'erreur de choses. Hein. Donc, il faut qu'il y ait un lien de mémoire. Alors là, lien de mémoire est évident, hein, parce qu'on fait 5, après 5, puis après 5, puis après 5, puis après 5, donc 50, ça marche bien, ça. Voilà. Et on peut même apprendre ce qu'on appelle le collier tronc, c'est-à-dire les 5 d'en haut, on peut les apprendre séparément. Il faut bien se rappeler qu'on peut en apprendre séparément les 5 d'en haut. Là, tiens, ça me rappelle quelque chose, parce que là, justement, c'est ce qu'il y a là. Hein. Au début, on a 5. Donc ça joue le rôle de collier tronc. Alors, où est-ce qu'on va mettre les autres? Alors, bon, en fait, on s'aperçoit assez vite que ça serait pas mal si on faisait quand même quelque chose comme ça. Hein. Et à ce moment-là, je vous propose de regarder votre main gauche. Alors, vous sortez donc votre main gauche, hein, et puis on va la regarder avec beaucoup d'attention. Hein, parce que si on ne regarde pas les mains, quand on fait des comparaisons, dans la Bible, ce n'est pas des comparaisons au hasard. Hein. Donc, on regarde sa main gauche. Je vous rappelle que vous avez vu dans tous les dessins, toutes les icônes, tous les machins, etc., un petit image comme ça, et puis une main de Dieu qui descend souvent avec un doigt, là, comme ça. Voilà. Donc, le problème de la main qui est là, c'est que vers le haut, c'est là, vers le haut, qui a le ciel. Donc, on a dit le Père au ciel. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Donc on a bien le ciel en haut. Alors on a donc, regardez votre main, mais comme ça, hein. Vous écartez bien vos deux doigts extrêmes de façon à pouvoir faire le pont, comme ça. Et puis ce que je vais vous proposer, c'est de faire un petit trajet ici qui va être comme ça. C'est-à-dire de ne pas mettre celle-là ici, mais de faire ça comme ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'en faisant ça, vous montez vers le haut. Mais il y a un très gros problème que j'ai matérialisé sur ma main avec le bracelet de ma montre. Le bracelet de ma montre, il est pour vous sur le bras. Ben non, parce qu'en araméen, non, en fait là il est bien sur le bras, il suffirait que je le mette là et il est sur la main. Parce qu'en araméen, le mot ida, qui est la main, ne veut pas dire la main, à notre sens à nous, mais la main plus le poignet. Le poignet fait partie de la main. Hein? Alors qu'est-ce qui se passe dans le poignet? Il y a un petit point qu'on appelle l'espace de tout là, et c'est là où le Christ est crucifié. Hein? La chose. Alors quand les gens vous ont expliqué, vous comprenez, il y a un gros problème sur le sol de terrain, il y a un gros problème, et puis voilà. Mais heureusement, on a pu montrer que si on cloue dans la main, ça ne tient pas, etc. Mais dans le texte, on vous dit que la main était percée. Mais je suis désolé, mais la main en araméen, ça comprend le poignet. La main, la séparation est faite sur les deux os. Donc, l'endroit où vous rentrez dans le système préhenseur, le système préhenseur comprend bien entendu le poignet. Hein, parce que c'est encore, vous n'avez pas de préhension complète si vous n'avez pas le poignet, hein, qui a un rôle essentiel. Bon, alors je regarde ma main. Alors vous rappelez qu'une main, c'est un système absolument extraordinaire qui vous permet de prendre dans ce sens-là, en travers. Hein, voilà, ça va. Et puis ça permet de prendre en longueur. Hein. Ça s'appelle une croix. Hein, ça s'appelle une croix. Bon, alors on va dessiner ça d'une autre façon. On va faire ici quelque chose que je vais appeler le poignet. Voilà. Là, on va faire quelque chose dont vous savez le terme en français, ça s'appelle le talon. Hein, le talon, ça comprend deux gros muscles qui sont là, hein, un qui est un peu plus gros que l'autre qui est un peu plus petit, qui est comme ça. Voilà. Hein, enfin, ça, voilà. Et puis, vous avez ce qu'on appelle l'arche antérieure. L'arche antérieure, c'est ça. Alors, avec ça, ça vous permet, et puis vous avez un creux aussi, vous avez un creux au milieu, ici. Hein? C'est le creux de la paume. Et donc, là, votre main est capable de prendre quelque chose qui est dans le creux, comme une boule, hein? D'accord? Elle est capable, comme je vous l'ai montré, de prendre un objet en travers, en repliant les doigts, elle est capable de prendre un objet, oups, Voilà. Voilà. Donc ça permet en particulier de lancer des propulseurs, de lancer. Voilà. Donc, voilà. Donc ça, c'est un outil absolument extraordinaire. Et donc derrière, ben derrière, vous allez rajouter ici un doigt avec trois parties. Voilà. Donc clouc, clouc, clouc, clouc, clouc, clouc. L'endroit qui est là, c'est l'espace de Delto. Hein. Et puis à cet endroit-là, qui est la jonction ici des deux os, à cet endroit-là, il y a quelque chose qui est bizarre, qui est une tradition d'une de nos églises, qui est la tradition copte. À cet endroit-là, on tatoue une croix. Vous avez dû sûrement voir ça. Oui. Les coptes possèdent mettent une croix ici. Voilà. Alors, on va faire attention que là, on a un pouce qui est un peu particulier, voilà, qui ne comprend que deux parties ici. Voilà. Et cette partie-là, ici, elle fait donc partie du collier de la Passion, du collier des 24 perles de la Passion. Et puis, votre doigt, votre petit doigt qui est là, qui se sépare un peu plus, ce qui est nécessaire pour bien prendre les choses, donc qui est quelque part par là, et qui a ces trois choses comme ça, vous permet d'avoir ici, hein, les sept perles du collier de l'enfance, hein, avec ici deux choses. Ici, Siméon, la prévision, l'annonce de Siméon, c'est-à-dire là, à cet endroit-là, on peut retenir l'enfant dans votre main gauche. Je vous signale qu'on porte toujours les enfants à gauche, les femmes portent les enfants à gauche pour pouvoir les avoir près du cœur, pour avoir la main libre droite aussi, mais enfin, c'est aussi quelque chose qui est important pour les bébés, d'entendre le cœur de la maman. Voilà. Et puis là, donc il y a Jésus à 12 ans. Et puis, cloc, cloc, cloc, cloc, vous avez ici, donc, la femme courbée. Bon, donc, il ne nous reste plus qu'à faire, qu'à rajouter deux doigts supplémentaires. Voilà. On va changer un peu plus loin, voilà. Tchouc, tchouc, tchouc, tchouc, tchouc, voilà. Et puis, on va faire quelque chose, c'est qu'on va remarquer qu'on a des bosses ici, quand on replie. Donc, on aura des bosses ici. Voilà. On a une bosse sur le bord ici, puis on a une bosse ici, puis une bosse là. Voilà. Alors, on peut jouer à un jeu qui est très amusant. Hein. Ce petit jeu, c'est ce qu'on a essayé de vous que j'ai essayé de vous raconter ici. Si je prends ces deux choses-là, je compare ça et puis ça qui est ici. Je peux ici faire un montage qui va me faire ce triangle-là, hein, dont je vous ai parlé. Et puis je peux faire un montage ici et ce triangle-là. Mon dessin n'est pas très bon, mais si mon dessin était vraiment très bon, on aurait un résultat intéressant parce qu'on aurait quelque chose à peine déformé qui ressemble à quelque chose comme ça. Ah, ça, on a déjà vu ça quelque part. Hein, ça s'appelle une croix de David, une étoile de David. Bon. Qui est-ce qui connaît bien cette étoile de David, sinon Marie ? Voilà, donc voilà, il y a l'étoile de David. Donc là, les six perles principales du collier, les six perles sont là-dessus. Et puis, il y a des perles complémentaires qu'on peut rajouter derrière. Alors, elles sont très intéressantes parce que, en fait, Jésus, après, il reste deux choses ici. Et là, il est au tombeau. Et du tombeau, il descend au Sheol. Voilà. Donc en bas, ça, c'est la terre. Et là, vous avez le Sheol. Et en haut, vous avez bien entendu, au-delà de ça, chez le Père, le paradis. Voilà. Donc on a à peu près tout, et on va donc trouver forcément, tout naturellement, ici, le Sheol, quelque part, qui va s'orienter vers ça, par ça. Et puis, de ce côté-là, on aura d'autres choses, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, ça serait trop long. Bon. Donc, il y a une méthode. Vous voyez bien que ça ressemble au milieu, ce que j'avais tressé ici, là, ça ressemble donc à un collier appendentif au milieu. Il y a un collier transversal ici, comme ça, ou qu'on peut représenter en haut pour le faire, parce que si on représente en haut, eh ben ça tombe bien parce qu'on a deux petites perles qui sont là et qui font un triangle au centre autour de ça. Et puis là, on a quelque chose qui est très particulier, qui est le centre, et le centre de la paume. Et au centre de cette paume, ça, c'était quelque chose qui est absolument essentiel dans l'anthropologie judéo-chrétienne. Au centre de la paume, c'est là où l'homme, quand il est debout, dans la main de Dieu, a son contact avec la paume, ce qu'on appelle son knouma. Son knouma en araméen. Voilà. Donc c'est le knouma. Et qu'est-ce qui est raconté dans ce knouma, qui fait partie de ces cinq perles, la première? Eh bien, combien il me tarde, j'ai un baptême dans lequel je dois être plongé, combien il me tarde qu'il soit réalisé. Voilà. Donc c'est bien le baptême du sang de la passion qui est là, et donc dans le creux de la main, c'est là où l'homme, ça vous rappelle que les hommes, pour arriver quand même quelque part à faire vraiment, à être capable de faire miséricorde à tout le monde, c'est pas mal aussi que quelque part ils souffrent un peu. Voilà. Bon, donc ça marche là, on a à peu près compris les choses. Voilà. Donc on l'a fait avec Bernard, il a fait un joli. Bernard Scherrer a fait un très joli machin là, à propulser. Donc vous voyez ça de loin, là. Vous avez donc les deux colliers de l'enfance et de la passion. Et puis vous avez après le premier triangle là. Et puis vous avez le deuxième triangle et le premier, ça vous donne donc l'étoile de David sur la main. Et puis après, on va s'apercevoir qu'on peut compléter par toutes les. En fait, quand vous complétez par ces intersections-là, toutes les perles importantes sont là-dessus. Hein, elles y sont toutes. Et puis on peut continuer à réfléchir sur les interactions. C'est bien évident que par exemple, le fils prodigue, il a un certain rapport avec la pécheresse. Hein. C'est bien que c'est la même chose. Bon. Et puis là, le fils aîné, il a un petit rapport quand même aussi avec Zachée, celui qui a eu pas mal d'argent de côté, de son côté, c'est le problème d'argent. Et puis d'ailleurs, il y a une perle complémentaire qui est là et qui s'intéresse au problème de l'argent indélicatement récupéré par celui qui gère les finances du maître de maison. Voilà, et puis alors après, on peut rajouter. On peut avoir pour l'ensemble. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce que je suis en train de vous expliquer? Je suis en train de vous expliquer que tout ça, c'est extrêmement humain. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose composé en grec par des gens qui ont recueilli des petits bouts comme ça, là, des petits logas de Jésus là, dans un petit coin, et puis qui les ont rassemblés, et que c'est Luc qui est le compositeur, il n'a rien composé du tout, Luc, il a demandé à Marie de comment il fallait faire. Et puis après, il est assuré, finalement, la transmission de ça dans une église, qui est l'église sur laquelle il travaillait. D'ailleurs, c'est très intéressant, parce que mes amis grecs m'ont dit que le Luc grec était fait dans le dialecte de Thessalie. Et le dialecte de cette Thessalie, c'est celui qu'on faisait à Troas. Hein, à Troas. Et justement, la tradition dit que c'est à Troas que Luc a fait la traduction. Il n'a pas dit du tout qu'il a été composé à Troas. Ça, c'est une interprétation des Occidentaux assez extraordinaire. Ça veut dire que quand on annonce que le texte grec a été disponible à telle date, on en déduit qu'il était composé à cette date-là. Alors, ça, c'est un peu dangereux, parce que si on prend Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, quelque part vers 1910, ça a paru en russe à Saint-Pétersbourg. Alors, donc Notre-Dame de Paris a été composée en 1910 à Saint-Pétersbourg, en Russie. Hein, vous êtes bien d'accord? Bien tout à fait évident. Donc voilà. Donc ça, c'est ce genre d'erreur de transmission. En fait, on a pu échafauder des choses. Moi, ce que je vous raconte, c'est ce qui s'est passé entre l'année 30 et l'année 31 par des femmes qui avaient vécu la passion, qui avaient vécu, pas toutes, mais une grande partie avait vécu la passion, une grande partie avait vécu le contact direct avec le ressuscité, avait été obligée de raconter ça aux apôtres qui ne voulaient pas croire, etc. Bon. Et puis, après, ont fait dans leur petit coin le plus de récupération de ce qu'elles avaient appris dans leur mémoire grâce à l'aide de l'Esprit Saint. Vous savez que l'Esprit Saint, c'est un souffleur, donc c'est comme au théâtre, ça souffle, et donc ça vous rappelle des choses. Hein. Donc elles se sont rappelées ce qu'il y avait de choses. Au milieu, il y avait la compositrice hors pair qui est Marie, qui les a aidées à composer ce système merveilleux sur une main, puisque, en fait, dans ce schéma-là, les femmes, le rêve des femmes, ce serait d'avoir le bébé Jésus dans la main. Voilà. Et on pourrait demander d'avoir, au moins spirituellement, d'avoir Jésus dans sa main. Voilà. Ah, c'est pour ça que parce qu'on parle du collier de la miséricorde, c'était des colliers. Oui, oui, oui. C'est pour cette raison-là, en fait, qu'on a voulu passer, que les femmes, elles ont voulu avoir imprégnation sur voilà. Voilà. Donc ça, on a ça qui est finalement une trace directe, vraiment complètement directe, de ce qui s'est passé quelque part entre l'année 30 et l'année 31, dans cette année-là. Alors, on peut même accrocher des choses, si on veut aller plus loin, mais c'est peut-être un peu moins sûr, c'est parce qu'il y a, bien sûr, il y a aussi, il faut être conscient que cette même année-là, il y a le miracle de du bouc émissaire qui ne se produit pas, et donc, d'où la composition de cette petite antienne que nous récitons à notre liturgie de la messe, à nous de Dieu. Tu prends sur toi les péchés du monde, c'est prendre sur toi, hein, c'est pas enlever, hein, c'est prendre sur toi, tu prends sur toi les péchés du monde, les péchés de nous. Voilà. Donc ça c'était la même chose qui était dit sur le passage du bouc émissaire. Ouais. Donc c'était le bouc émissaire, là c'est devenu l'anneau de Dieu. Alors c'est l'anneau de Dieu, c'est dans notre tradition, en fait le texte exact signifie le mouton mâle d'un an, c'est le mouton mâle d'un an, c'est celui qui était sacrifié par Abraham. Hein, à la place d'Isaac. Voilà. Donc, voilà. Et puis c'est celui. Ce même mâle existe dans le texte de Daniel. C'est gênant comme je vous rapproche tout dans tous les sens. C'est ça la caractéristique, si vous voulez, de ce qui s'est passé dans ces temps-là, c'est que c'est révélé la cohérence du plan de Dieu. Hein? Tout ça qui revient révèle la cohérence du plan de Dieu. Tous les prophètes qui ont annoncé tout ce qui se passait et toutes les femmes qui ont plus de mémoire, qui petit à petit ont refait reconstituer cette espèce de cathédrale de parole qui fait la mémoire de ce qui s'est passé. Et donc la première année après la Pentecôte. Ça va ? Bon, ben écoutez, là je vais m'arrêter un petit peu et je vous demander de me dire les points que vous voyez que je continue à développer. Hein, parce qu'on va pouvoir développer encore des choses derrière. Ça va ? Je dis le père Edouard Marie. Je réécoute. Vous avez essayé vous-même. Ah, oui. Le parcours de remémoration sur votre. Enfin, la miséricorde sur la voix. Ben, je ne sais pas parfaitement. Si vous voulez, je sais, mais sur une autre traduction que ça qu'on fait en ce moment. Mm-hmm. Donc, je suis un petit peu brouillée pour jouer, mais je le connais suffisamment pour le faire. Ouais. Oui, ça marche. Mm-hmm. Ça marche. Alors, par contre, il y a une chose intéressante, c'est que Anne, qui avait appris comme un texte linéaire, avait été obligée, pour arriver à garder les 25, de se faire un parcours. Donc elle s'était fait dans sa tête un parcours particulier pour qui lui assurait de pouvoir ne pas perdre des perles. Hein. Et donc une année à Noël, il y a 7-8 ans, on avait fait dans une réunion qu'on avait fait chez elle, elle avait récité avec un parcours qu'elle avait préparé. Voilà. Hein. Peut-être, voilà. T'étais peut-être là. Voilà. Et donc cette récitation, finalement, c'était un parcours dans sa tête. Et quand je lui ai dit que ça pouvait se faire sur la main, elle a dit « Oui, mais moi j'ai passé un temps fou à trouver les mots dans chacun pour arriver à faire un parcours. » Donc effectivement, c'est très difficile à se rappeler 25 perles en suivant. Il faut vraiment faire un parcours pour ne pas se tromper dans l'accrochage. Et je suis à peu près sûr que c'est comme ça, parce que quand vous avez des choses, par exemple, à 7, et que ce qui est déjà plus que 5, 5 c'est assez facile, parce que ça reste dans la tête, 7 c'est un peu plus compliqué, à ce moment-là, en général, dans les perles, vous avez des sutures, c'est-à-dire que vous avez au début ou à la fin de la perle quelque chose qui accroche les perles ensemble, hein, pour mémoriser. Donc ça, on le retrouve. Et là, il n'y a pas de suture. Il n'y a pas de suture, ça veut dire qu'il y avait un aide-mémoire. C'est pour ça que, et c'est pour ça qu'on a eu du mal à se fabriquer un parcours pour pouvoir mémoriser les 25 paires sans erreur. Voilà. Mais sur la marque, donc, on commence par le collier 3. Non, ben vous allez... Comment faire une démonstration sans réciter, mais je ne se trompe pas. Ouais, une fois qu'on l'a fait une fois sur le mur, ben après on n'oublie pas. Hein. Parce que c'est bien un parcours. Vous avez bien compris que c'est un parcours sur la main. Donc c'est nécessaire sur 25 paires, pour les mémoriser normalement et pas les perdre, de faire un parcours. Donc là, ce qui est proposé, c'est de le faire sur la main. Ben alors, je vous le montre, vous pourrez le regarder. Voilà. Donc, non, enfin, c'est mieux fait parce que c'est fait sur ordinateur, alors on voit les trucs qui se défilent. Donc, on fait un trajet qui est le trajet de rond comme ça. On fait comme ça. Et puis après, on va faire comme ça. On va faire donc la croix, si vous voulez, ça fait la croix. On va faire la croix qui sont les deux pointes, des deux triangles, hein, et vous bien visualiser les triangles qui sont sur la main, ici, avec les deux bases ici qui sont là, et puis les choses opposées. Donc une fois qu'on a bien mémorisé ça, on voit bien comment sont les triangles, et on va commencer par faire un trajet comme ça et comme ça, et puis après on va faire une récitation habituelle, que c'est la récitation comme ça, hein, la récitation de collier apparentif. On part du centre, on fait comme ça, et puis hop, on va aller vers le haut pour exploiter ce qui se passe en haut. Voilà. Donc mais ça suit exactement le texte de Luc. Hein. C'est la chronologie, un parcours fait par quelqu'un qui a vécu est chronologique. Donc c'est chronologique. Donc il n'y a pas à réinventer la façon de basculer. On va parcourir de façon chronologique. Puisque c'est une femme qui a vécu ça et qui sait le placer dans sa chronologie, ça doit être lu comme on le lit dans Luc. Mais on le lit d'une façon beaucoup plus astucieuse qui permet à ce moment-là, sur votre main, de se rappeler les points clés. C'est ça qui est important. C'est dans Luc comme ça parce qu'on restait là. On ne peut pas se rappeler que dans Luc c'est comme ça parce qu'on restait là, c'est pas le but. Voilà, donc nous aimer ça, il faut se rappeler, il faut faire ce trajet-là, mais celle qui a composé, elle avait un guide. Hein. Donc son problème c'était de suivre un parcours chronologique sur la main. Hein. Donc tout n'avait pas ce trajet chronologique, donc on en déduit que c'est Marie qui est la maître d'œuvre de ce texte. Hein. C'est un raisonnement un peu brutal, des choses comme ça, mais ça n'est pas possible si quelqu'un n'avait pas la chronologie en tête de rétablir, parce que les 25 paires sont coupées en 7 bouts à l'intérieur de l'évangile de Luc, parce que chacune doit apparaître au bon moment dans Luc. Donc elle a pris le texte de base qui est un collier, le collier de Luc, je vais vous en parler un petit peu si vous voulez. Luc est fait de la façon suivante. Paul construit un collier à pendentif de combien de paires? 25. Voilà, ça y est. Et bien non, parce que justement, il fait beaucoup mieux que ça, parce qu'il met les perles presque deux par deux, il essaye qu'elles soient à peu près deux par deux, et il fait un truc à 10. Fois 5, ce qui lui fait tout de suite 50. Le modèle étant bien entendu la Grotutasus qui est récitée à deux voix. Lui, il la récite à une voix. Voilà. Donc ça, c'est son premier élément. Ensuite, il vient à Jérusalem, et vous voyez dans les actes qu'il vient à Jérusalem et que il dit dans la lettre aux Galates, je suis venu à Jérusalem une année après, et je me suis adressé aux colonnes. Les colonnes, c'est Pierre et Jean. Voilà. De peur de m'être trompé dans mon évangile. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont lui confirmer, ou peut-être qu'ils ont lui changé quelques petits trucs dans l'ordre, son nom n'était pas tout à fait exact, etc. Hein? Ce collier-là, vous le connaissez bien, c'est le collier du Koubala, par exemple. Hein? Bon, alors, donc vous avez ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il lui manque des bouts. Alors au lieu de le prendre dans la case de ta source, ben, il fabrique des bouts qu'il prend dans Marc. Donc c'est dans Marc, Vous avez pratiquement les mêmes textes, à des très petites variantes, qui sont vus par quelqu'un d'autre. Il a demandé à d'autres témoins que... et donc il a pris d'autres choses. Bon, pour ne pas faire la même chose, c'est très important. Et donc là, il a fait 3 fois 5, 3 fois 10, égale 30. Et puis là, il n'a pas pris la passion parce qu'il faisait mémoriser la connotation. Et comme par hasard, la connotation a des éléments complètement différents à l'intérieur. Par exemple, cette partie-là qui est le coupe-là, ça n'existe pas dans la connotation. Donc il y a plein de choses qui sont différentes. Donc cet enchaînement-là, il va rajouter ici à nouveau 3 choses en symétrique, donc ça sera 30 aussi ici, donc ça va faire 110 perles. Ça, c'est l'évangile de Luc, de Paul. Et il défendait où ? C'est mon évangile. Alors, ceux-là, c'est l'enseignement au 72. Voilà. Et puis, à l'intérieur de ça, ici, ce bout-là, c'est la Valpanuta réduite. Hein. Ce que vous appelez, vous, dans vos textes, le sermon sur la plaine, ou le sermon sur la montagne, qui ne vont rien dire du tout, parce que c'est une plaine qui est au bord d'un creux, qui est le lac de Tibériade. Donc si on est à la Tibériade, c'est la montagne, et si on est en haut, c'est la plaine. Donc ça ne veut absolument rien dire. Donc c'est la même chose. Donc ce truc-là, ça, c'est Paul en parle comme mon évangile. Sachant que le mot évangile, ça ne se dit pas comme ça en araméen, ça se dit swarta. C'est un autre nom. Voilà. Donc ouais, ma swarta, c'est ça. Et puis, quand Luc vient à Jérusalem avec lui en 49, eh bien, il va voir Marie et il lui demande d'ajouter, est-ce qu'il pourrait ajouter devant l'évangile de l'enfance, là, l'évangile de la passion. Donc là, il fait sauter la partie de Carlos de Tasso, s'il la remplace, il la complète ici. Et puis, à l'intérieur de ça, elle va mettre à des endroits déterminés dans le système, qui sont les bons endroits, elle va mettre les 25 perles. Elle va lui dire à quel endroit le mettre. C'est-à-dire que si vous enlevez ces 25 perles, vous trouvez un collier à pendentif qui comprend donc 3 et 5, 8 et 3, 11, 11 pendentifs de 10. C'est tout simple, le travail. Donc, c'est pas Luc qui a composé ça, il est arrivé avec la composition de Paul, et puis il a demandé à Marie comment mettre ça. Et puis, il a recueilli tout ça, il a fait le truc le mieux possible, il s'est bien renseigné pour ne pas faire d'erreur, etc. Et puis, quand il a fait ça, il a dû sûrement aller voir Marie pour demander l'accord de ça, et puis il est revenu à Troas, et à partir de ce moment-là, il a fait apprendre ça à Troas. Il a traduit en grec, c'est-à-dire donc ça n'était pas composé en grec, c'est composé en araméen bien sûr, et puis bien sûr que l'évangile de l'enfance s'est composé depuis belle durée, donc c'est transmis depuis l'année 30, 30-31, et c'est composé depuis l'année moins 5, donc c'est beaucoup plus ancien. Donc voilà, donc ça se fait comme ça. Les évangiles, ça se fait comme ça. En 49, il vient tout seul ou il vient avec Paul ? Hein ? En 49. Il vient avec Paul, oui, et puis il va rester. Donc, Paul a rencontré Marie ? Sûrement, bien sûr que Paul a rencontré Marie, bien sûr. Non, mais tous ces gens-là, ils se rencontrent. Il faut arrêter les faits qu'ils ne se rencontrent jamais, c'est pas possible. C'est ça, un raisonnement stupide, ce truc-là. De la même façon qu'ils viennent, Paul, quand il s'excuse en fait presque, il s'excuse d'être venu à Jérusalem parce qu'il provoque un peu la cisanie chaque fois qu'il vient, parce qu'il a des souvenirs, il y a ses anciens copains qui sont restés des pharisiens durs, qui font tout pour le faire repartir. Donc il ne vient pas trop à Jérusalem. D'ailleurs, quand il vient la première fois, c'est Pierre qui le renvoie chez lui en lui disant, bon, il leur donne bien, quand il renvoie chez lui. Pour arrêter la bagarre à Jérusalem. L'église primitive ne cherche pas la bagarre, c'est pas son problème. Elle cherche la diffusion de la parole, c'est pas la même chose. Donc là, il est en train de. Luc fait ce travail-là avec Marie, en fait, essentiellement, puis avec ceux qui sont encore là et qui, auxquels elle demande de relire de choses, de faire, de vérifier sa traduction, etc. Qui n'est pas terrible, qui n'est pas terrible, sa traduction n'est pas terrible, parce qu'on l'a à peu près exactement dans le 0,5. Et bah, c'est pas trop mal, mais c'est pas très très bien. Et puis c'est dans un dialecte. C'est dans un dialecte, un dialecte de Cessalie, hein, il faut quand même s'en rendre compte. J'aimerais que vous ayez bien mis dans votre tête une bonne fois que vous avez un texte grec de référence de l'Évangile qui n'a jamais existé dans une langue qui n'a jamais été parlée. Hein, puisqu'il y a quatre dialectes derrière, les quatre Évangiles sont dans quatre dialectes différents, et donc ces quatre dialectes ont des choses différentes, ont des expressions différentes, des choses comme ça, et donc pour en faire un texte unique, les Allemands ont inventé une langue commune. Ils ont inventé une langue commune qui n'a jamais été parlée. Une grammaire, une langue et une grammaire. Donc vous allez à la procure, vous achetez, est-ce que je pourrais avoir un dictionnaire et une grammaire du grec du Nouveau Testament? Vous achetez ça. Elle est très intéressante, mais cette grammaire n'a jamais existé, elle n'a jamais été parlée par personne, ni le grec n'en pas. Vous en souvenez ça. Bon, parce que si vous parlez de ce que j'annonce dans des trucs comme ça, et que les gars en face vous disent non, c'est pas vrai, c'était là, c'était des idées, etc. Ben, vous leur dites, sachez au moins qu'il y a quatre dialectes grecs dans lesquels les différents évangiles ont été composés et que le truc qui a été fabriqué n'est pas bon, puisqu'il n'y a pas de bon. Il n'y a pas de bon, il y a quatre dialectes. Hein? Alors donc, il y a des dialectes dans lesquels, par exemple, le dialecte de Ionie, il est là depuis, il fait du grec de Ionie, c'est pratiquement de l'araméen pour des tas de choses, pour certaines constructions de phrases, c'est de l'araméen. Des mots sont complètement de traduction de l'araméen, sont des faux amis. Donc là, c'est plein de grec du Nouveau Testament, de Luc, par exemple, c'est plein de faux amis. Parce qu'on traduit mal. Mais si je vous faisais traduire comme ça ici en anglais ou en allemand ou dans votre langue de préférence, on va tout de suite trouver des faux amis. Sauf si vous êtes prof dans cette langue. Hein. Et encore. Dans la nouvelle édition, ils vont faire la même chose. Bien sûr. Ah bah oui, c'est tellement mieux d'avoir fait. C'est quand même un raisonnement d'intello, ça, je trouve. Quand même, c'est un raisonnement d'intello qui ignore qu'autrefois les gens parlaient dans des dialectes différents. Hein? Quand vous alliez à Albi il y a un siècle, on ne parlait pas exactement le même français qu'à Paris. Ah bah oui. Ah bah c'est triste, mais c'est comme ça. Hein? Et donc, il ne faut pas se moucher les yeux. Et là, c'est anciens que ça, parce que les gens d'Ionie, ils font partie de l'Empire Parthe depuis des 12 ou 15 siècles, et donc ils sont plein de faux amis. Ouais, c'est comme ça, c'est triste, mais c'est comme ça. Donc faut pas être plus malin que les profs de la faculté d'Antenne. D'Athènes qui m'ont toujours dit, nous on a renoncé à expliquer à vos gars que c'était pas tout à fait ça. Quoi. Parce qu'ils ont fait, l'unification, ça s'appelle le texte byzantin, et quelque part, tout de suite après l'institution de Calvin à Genève, etc., Genève a envoyé avec des émissaires autour de à Constantinople pour dire nous on va prendre le grec et on va refaire des traductions françaises sur le grec. Et le patriarche leur a dit. C'est très bien, vous prenez votre texte grec. Ah non, nous on va traduire sur les textes, sur le grec original. Je leur ai dit, ça va pas la tête. Ben lui, il savait bien que c'était fait comme ça. Bon. Mais ça fait rien, ils sont revenus, et puis après, tout le système a roulé. Donc on a fabriqué un grec de référence. Une grammaire de référence, ça c'est plus dur, parce que tous les éléments qui sont par exemple en ionie, il y a de la grammaire, qui est une grammaire à la mode araméenne, parce qu'ils sont plongés dans l'araméen. De la même façon que symétriquement, on a des mots, par exemple, comment vous appelez, vous êtes marin grec, c'est très important les marins grecs, vous êtes quand même marin grec, et vous arrivez dans un port, vous prenez votre grosse corde et vous l'envoyez aux choses, et vous l'appelez, comment vous appelez la corde là? Camilos. Camilos, c'est de l'araméen, ça veut dire gamla. Et c'est ce qui veut dire à la fois un chameau et une grosse corde. Parce que c'est le corde de la caravane. J'ai dit cordée, hein, en français, j'ai dit cordée. Bon, donc, on ne va pas me faire expliquer à moi que le grec a ignoré l'araméen, puisque les marins grecs lançaient un camélos. Ce qui n'est pas du tout du grec. C'est complètement sémitique. Bon, voilà. Donc, il faut retomber un petit peu sur terre, mais quand on retombe sur terre, il faut s'insérer dans ce qui s'est passé à ce moment-là. Et donc là, on commence à voir que vraiment, merci Marie, merci les femmes, etc. On a, avec la Collège de la Miséricorde, une merveille qu'il faut apprendre et qu'il faudrait que tous les gens ici sachent par cœur, parce que ça nous apprend des tas de choses sur le ciel, l'enfer, le paradis, le machin, le péché, quel type de péché on commet. Il y a de quoi faire. Il y a un très bon examen de conscience. En araméen, ça s'appelle le discernement du cœur, mais enfin, bon, vous pouvez l'appeler l'examen de conscience si vous voulez, avec des péchés collectifs et des péchés personnels. C'est pas mal comme truc, c'est bien fait. Donc il y a tout ce qu'il faut. Parce que la transversale, là, cette petite transversale, en fait, ça vous représente exactement le sacrement de réconciliation, comme on dit. J'aimerais bien que ça s'appelle le sacrement de miséricorde. Donc, voilà, donc vous êtes à peu près... Alors, on s'est beaucoup amusé avec notre ami qui travaille là-dessus, là, parce que on rencontre un certain nombre de gens, et puis on leur pose des questions. Donc, moi, je rencontre des gens, j'attends, bien sûr, des musulmans, donc j'ai rencontré un musulman de Kabylie, et je lui ai dit, je lui ai raconté mon histoire, là, sur la main de Fatma, ça veut dire ouvrir, c'est quelque chose qui ouvre la miséricorde. Bon, alors, la main de Fatma, et il m'a dit, oh, ben ça c'est très connu chez nous, etc. Et il m'a envoyé aussi quatre représentations. Alors, il y a la représentation en métal que vous connaissez peut-être dans toutes les maisons musulmanes, hein, avec les doigts comme ça, et puis il y a un petit trou ici, puis on cloue ici à l'entrée de là, sur le montant de la porte. Où les Hébreux mettent la mesouza, là, de choses. Bon, voilà. Et puis, bon, c'est une main gauche, voilà, avec, comme ça. Et puis après, ça se déforme. Et puis après, la forme actuelle qui se fait beaucoup, c'est quelque chose qui est comme ça. Et puis, comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est la même chose. Hein. Et puis, alors, sinon, c'est peut-être plus comme ça. Là, en général, il y a marqué 3, et 3 ici est plus petit, voilà. Et c'est bizarre, ça ressemble vraiment à une main. Hein. Et puis après, on en rajoute aussi comme ça. Et puis qu'est-ce qu'on met sur les cartes qu'ils m'ont envoyées? Il y en avait une, c'était quand même bizarre. Voilà ce qu'il y avait au milieu, un poisson. Oh, comme c'est bizarre. Hein. Et puis, il y en avait une autre au milieu, c'était un cœur. Comme c'est bizarre. Et puis, la dernière qu'on a trouvée après, donc je redessine la totale, voilà, avec comme ça, et puis les deux droits là. Et au milieu, qu'est-ce qu'il y avait? Je lui dis, mais attendez, c'est bizarre, vous êtes musulman, vous mettez ça? Ah, mais oui, c'est la tradition. Ah, c'est terrible. La tradition, c'est terrible. Voilà. Donc, il y a en ce moment des petits musulmans qui se mettent une main sans savoir que c'est vraiment une main, mais quand même, et qui mettent au milieu des choses. Bon, voilà. Il y a des mains de Fatma aussi où ils mettent un œil. Ah non, toujours. Ça, alors ça, c'est quand même un truc après. C'est-à-dire au milieu, on met un œil parce que ça défend contre le mauvais œil. Alors ça, c'est... Attention, on a glissé. On a vraiment glissé. Là. Voilà. Comment vous êtes venu l'idée de poser les 25 paires sur une main? Comment vous êtes venu au départ? C'est il y a 3 ans. Alors, en retravaillant sur cette chose-là, j'ai dit quand même, c'est pas possible, c'est trop long, il faut un aide-mémoire. Et comme malheureusement, vous avez bien compris, là, qu'il y a, à cause du fait qu'il y a ce truc transversal là, hein, avec 2 ou 3 ici, et puis 2 colliers ici, y a un des cinq, ça ne permet pas de faire un truc à cinq. 5 fois 5, 25, c'est pas possible. Donc, en fait, on peut garder les trois qui sont en bas, mais il faut redisposer les autres. Et donc, comme ça, c'est coupé en deux, donc ça, vous avez ça. Et puis, le dernier, ben, vous avez envie de le mettre en haut, comme ça. Donc, vous avez fait un système qui est une croix. Donc, moi, je me suis dit, il y a une croix plus un collier appétentif, hein, c'est-à-dire deux choses ici. Ça, c'est donc, c'était là où j'en étais il y a un an, en me disant, ben, ça, c'est forcément comme ça. Et puis ça, c'est une croix, puis il faut qu'on... Voilà, donc c'est ça qui doit être l'aide-mémoire. Puis je me dis, c'est bête, ça ressemble vraiment... À un moment donné, je me suis réveillé le matin en me disant, c'est complètement idiot, ça ressemble à une main. Bon, alors j'ai essayé de mettre ça sur la main, et voilà, puis c'est tout. Mais la vérification, c'est ça qu'il y a dans toutes les... Vous allez en Algérie, là, dans tous les appartements, vous avez une main pendue, ouais. Et puis c'est encore mieux en Kabylie. Mais alors, en Kabylie, il faut savoir que l'endroit où c'est, il y a eu un royaume qui était dirigé par des Juifs pendant 4 siècles. Voilà. Donc ça peut expliquer tout à fait que cette tradition existe. Alors après, vous pouvez vous rire un petit peu, vous allez prendre le terme de Kamsa, hein, qui veut dire 5 en arabe. En hébreu, et vous allez sur votre Google et vous essayez de trouver et vous allez trouver des mains. Et alors vous allez même trouver des gens qui donnent des explications en Israël de ça. Et disent non, c'est pas juif, mais ça doit être, c'est très ancien, c'est une vieille habitude, donc bon, c'est pas autorisé vraiment, mais c'est une bonne habitude. Ça porte bonheur d'avoir ça. Ben, ça porte bonheur d'avoir. D'avoir des paroles de Jésus. Voilà. Donc il y a ça, si vous trouvez ça. Donc plutôt dans la partie donc, sud de la Méditerranée, hein, dans Maghreb, Machrek, voilà, dans tout ça, vous trouvez ça en Égypte, etc. Puis vous remontez le long de la côte. Hein. Mais l'Église de l'Orient n'utilise plus. Parce qu'ils ont été trop massacrés par les musulmans, donc ils ont laissé tomber beaucoup de choses. Donc ils ont cru que c'était musulman et qu'ils ont fait disparaître. Hein. Donc, mais ils l'ont eu sûrement à un moment, ils sentent bien la parure. Hein. Voilà, donc. Ils n'ont jamais songé à prendre l'enveloppe des plantes. Ah si, elle est très intéressante. Je ne vous l'ai pas dit. Non, il faut prendre l'enveloppe. C'est intéressant. Quand on fait l'enveloppe des points ici, vous avez aussi quelque chose d'intéressant. Si vous voulez, c'est ça qui est intéressant dans un texte mémorisé, c'est que quand vous avez un texte mémorisé, vous avez toujours plusieurs façons de le ruminer. Une fois que vous l'avez en vous, vous pouvez ruminer autrement, changer un peu les choses. Il faut vraiment le savoir bien par cœur, parce qu'il ne faut pas le perdre non plus, hein, en faisant ça. Donc ça, il faut bien le savoir vraiment par cœur, il ne faut pas le perdre. Et à ce moment-là, vous pouvez effectivement remarquer que quand on fait le tour en vous, il y a des choses. Mais si vous voulez, c'est intéressant parce que, on reparlera de ça quand on parlera de Jean, quand vous avez 5 sur 5, par exemple ici, Un vrai collier appendentif devient un filet, c'est-à-dire que on peut le lire dans les deux sens. On peut lire, c'est-à-dire que chaque perle ici n'est pas seulement à lire chronologiquement comme ça ou comme ça, mais dans l'autre sens, chronologiquement et thématiquement. Et donc ça, c'est le sommet, si vous voulez, de la composition orale, c'est d'arriver à faire des filets. Ça, c'est vraiment... Alors là, c'est pas vraiment un filet, mais c'est pas très loin. Vous voyez, il y a des choses un peu transversales. Mais le filet est assuré par les deux triangles de l'étoile de David. Ils ont inventé les coordonnées cartésiennes. Oui, mais c'est incroyable. Hein. Non, mais ça, c'est un jeu mésopotamien. Bon, c'est un truc très mésopotamien. Le fond de ça, c'est les mathématiques mésopotamiennes. Et il ne faut pas les minimiser. Hein. Les Grecs, ils sont dépendants des mathématiques. Je vous rappelle que Pythagore est allé à Babylone apprendre les mathématiques. Alors, on ne raconte pas ça dans les histoires, mais il a passé 10 ans de sa vie à Babylone pour apprendre les mathématiques. Ben oui, mais c'est normal, ça faisait partie de son environnement normal, mais il était quand même allé à Babylone rencontrer les mages pour donc les astronomes pour savoir un petit peu les maths de Babylone. Et vous dites que causé la miséricorde. Il fallait l'aide mémoire, le parcours, et donc c'était la main. Okay. Non, l'aide mémoire et la main. Mais c'est aussi pour vous dire que, par exemple, vous allez regarder les icônes et vous verrez que dans les vieilles icônes, systématiquement, vous avez l'enfant qui est tenu sur la main gauche, et donc on voit dépasser les mains comme ça. Et comme par hasard à Kongwanshan, en Chine, on voit dépasser les doigts, et ils sont très marqués. On voit les doigts. Et il y a l'enfant est sur la Vierge, est comme ça, mais on voit très bien, on voit le pouce. Très fortement, et on voit le bout des doigts. Voilà le bas de l'enfant, et donc le couffin dans lequel il est, se termine dans la main de la mère, ici, et on voit les doigts, très clairement. Donc c'est une façon de se rappeler le rôle maternel, de, si vous voulez, d'une certaine façon, qui est délégué aux femmes pour assurer la transmission de la miséricorde. Hein, je vous le transmets de cette façon-là. Hein, c'est une façon de rappeler que dans la tradition des femmes est comprise la tradition de la miséricorde. Et donc, si vous voulez, après ça, vous allez bien comprendre que la tradition de la miséricorde, elle vient par une religieuse polonaise, elle vient par le Sacré-Cœur, bon, et ainsi de suite, elle vient par une série de femmes, cette histoire-là. Hein, c'est une série de femmes qui transmet ça. Ce n'est bien sûr pas ces flambards d'hommes avec leurs épées qui transmettent des trucs comme ça. Donc c'est transmis par les femmes. C'est étonnant quand même qu'on n'ait jamais retrouvé les mains dans les manuscrits ou dans les vieilles fresques qui restent. On n'a pas retrouvé des mains, comment ça? Non, mais des dessinés de cette. Non, mais ça, je dis, il y en a plein. Non, on les a retrouvés maintenant dans le repris par le monde musulman, dans les vieux manuscrits ou dans les vieilles fresques antérieures. Mais si, je dis, quand on représente la Vierge Marie, on représente de façon à ce qu'on voit ses doigts. Oui. Toutes les représentations de Marie à l'enfant sont toujours telles qu'on voit la main. Et vous, toujours. Et vous dites que c'est pour mentionner. Ah ben, ils ne savent peut-être plus, au bout d'un certain temps, les peintres ne savent peut-être plus d'ouvrir la tradition, mais elle a été portée dans l'Église. Non. Je vous dis, elle a été portée dans l'Église chinoise, puisque moi je peux vous garantir que c'est sur la fresque de Kangwanshan et c'est sur la fresque de Wu Guangtai qui est en 800, qui était attrapée en 850. Donc oui, il y en a une qui est en l'année 68 et l'autre qui est dans l'année 850. Donc en Chine, c'était conservé la tradition. Puisque les deux choses, on comprenait une vision, une représentation très claire de la main gauche de la Vierge. C'est-à-dire, c'est vraiment un dépôt de la miséricorde, cette partie-là, si vous voulez. C'est le camp de station, c'est quelque chose qui est beaucoup plus dogmatique, si vous voulez, d'une certaine façon. Le truc des hommes est beaucoup plus dogmatique, mais ce qui est du domaine du cœur, c'est une transmission des femmes. C'est ça que je veux dire, hein. C'est ça que. Et je dis que cette chose-là se transmet particulièrement, parce que les femmes transmettent particulièrement bien la chose, puisque dans ces sociétés-là, c'est bien par la main des femmes que se fait la transmission. Beaucoup plus que par les hommes qui peuvent être tués dans les persécutions. Ça va? Et l'aide mémoire de l'évangile des gens qui les 50 pères laissés, c'est quoi? Hein? Là? L'aide mémoire de l'évangile des gens. Ah, mais c'est un filet. Les gens, ils n'ont pas tous un filet. Mais non, l'aide mémoire, c'est un collier tronc. Le collier tronc, c'est le prologue de Jean. Ouais. Le prologue de Jean est le collier tronc, c'est-à-dire que dans le. Jean, on en parlera, vous avez. Alors, c'est pas fait exactement de la même façon, parce que c'est un chose qui est fait à 6 fois 8, hein, 6 fois 8, comme ça. Donc voilà, il y en a 4, et puis 4 à nouveau. Voilà, c'est 6 fois 8. Et le prologue de Jean vous décrit successivement ces choses-là dans l'ordre. Comme ça. Voilà. Ça s'amène ici. Donc ça vous décrit ça, donc ça vous donne les éléments de ça. Alors au centre, vous avez ici l'ensemble des sacrements, par exemple, ce que les gens ne savent pas. Ici, dans le raisonnement de Jean, il y a la description des sacrements. C'est parce qu'ils n'ont jamais lu les textes correspondants, puisque les textes correspondants, ils ne les voient pas, puisqu'on lit comme ça. Donc il faut les retrouver, c'est pas facile à retrouver. Et puis le deuxième filet extraordinaire, c'est le filet de l'Apocalypse, qui est de la même façon, et que si vous voulez vraiment comprendre le filet de l'Apocalypse, il le fait dans l'autre sens, il le fait comme ça. Donc là, ça fait 6 fois 8, et puis il y a le plus 1 qui est le prologue, et plus ici, la prière sacerdotale qui est ici, qui est un complément. Ça fait 6 fois 8, 48 plus 2. Donc le chaque, en principe, un filet n'a pas besoin. Il est souhaitable que le filet ait quand même un collétron. Donc dans l'Apocalypse, il y a un collétron. Hein, vous vous rappelez, c'est à chaque fois l'ange qui est derrière. Voilà, qui font la succession des choses. Voilà. Donc vous avez un collétron, et puis à partir du collétron, vous arrivez à rappeler tout. Mais quand vous l'avez vraiment présent en vous, et ça c'est possible, parce qu'on ne peut garder présent en soi, en mémoire, quand on a de la mémoire, qu'un filet. On ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas avoir mémoire d'un système à 3 dimensions. Ce n'est pas possible à l'homme. La mémoire ne permet pas ça. Donc la mémoire de l'homme permet un filet. Enfin, c'est un résultat connu. C'est même connu un petit peu en arithmétique, parce que si on fait des algorithmes qui essayent de sortir de ces deux plans, ça ne marche plus, on se trompe dans ces opérations. Oh là là. La prochaine fois, la leçon, Non, il faut d'abord laisser les mères de mémoire apprendre par cœur, et puis vous allez vous inscrire auprès d'une mère de mémoire et vous apprenez par cœur, je vous en supplie, vous allez découvrir des merveilles. Parce que c'est bien beau que je vous raconte toutes ces petites histoires en général, mais c'est quand même beaucoup plus mieux de loin d'apprendre, et, hein, n'est-ce pas, d'apprendre, et quand vous les aurez en vous, ça ruminera en vous, c'est quand même beaucoup mieux que de faire le baratin. Le baratin, ça vous sert à comprendre comment ça s'est passé. Hein, je pense que là, vous allez à peu près comprendre comment ça s'est passé. Hein, c'est pas un truc, c'est pas miraculeux, c'est pas machin, c'est un truc qu'on peut reconstituer, qui est simple, qui est des choses comme ça. On voit ce qu'ils ont voulu faire, on voit la place de Marie, on voit comment ils composent. On peut après essayer de trouver dans chaque texte l'antécédent qui a aidé un petit peu à savoir composer, et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est fait comme ça. Mais c'est un énorme... Imaginez la chaudière, si on peut dire, la chaudière spirituelle que représente l'endroit là, qui est probablement à Sion, la maison, l'ancienne maison de Lazare, que le nom de Lazare abandonne à l'église. Là. Cette espèce d'énorme ruche bourdonnante dans laquelle tout le monde est en train d'apprendre, de transmettre, de composer, de machin. C'est agressant, quoi, quand on parle. Hein. Et l'Esprit Saint qui souffle à tour de bras là-dessus, hein, c'est absolument héroïque. Ce qui est étonnant, c'est quand on avait fait du chemin ensemble, on avait fait du Saint-Sépulcre. Oui. Il y avait des femmes qui vous avez fait la remarque, qui achetaient à pleines mains, des grandes mains, et elles étaient voilées comme chaque main, et dès que la pierre tombale était parfumée, elles se précipitaient dessus, et elles les imbibaient de parfum, et elles en mettaient, mais elles avaient des paquets de 50, de 25, qu'elles en avaient. Ça m'avait frappé. Voilà, et donc vous voyez comment se transmet. Voilà, donc vous voyez comment, pour moi, le problème d'aujourd'hui en France, c'est de transformer tous ces musulmanes, hop, les remettre dans le droit chemin le plus vite possible. Oui, sans trop peur, vous marchez des grandes comme celle qu'on avait vue à Jérusalem. Voilà. Chacun va faire ses courses à Jérusalem. Voilà. Parce que c'est la même chose qui fait que si vous allez au Caire et que vous allez à une des églises catholiques du Caire qui est dédié à Sainte Thérèse de Lisieux, vous avez un buisson de cierges devant Sainte Thérèse de Lisieux, comme il n'y en a pas d'équivalent en France, même à Lisieux. Et ça, c'est toutes les petites femmes musulmanes du Caire qui viennent faire leur petite prière. Voilà. Et puis, vous en avez un autre, dans une autre, c'est la Vierge Marie, mais là, c'est récent, mais là, ils se sont accrochés à Thérèse de Jésus qui doit faire son travail, qui travaille tout ce petit monde-là, gentiment en ce moment. Donc voilà. Donc, c'est assez extraordinaire de voir, si vous voulez, ces choses très simples finalement, ces choses très simples qui portent une dévotion. Et cette dévotion est portée, alors elle est un peu perdue, mais il y a un côté quand même très humain, très charnel de ça, hein, et qui continue à traverser les siècles comme ça, malgré que... Voilà, parce que c'est idiot d'aller pour une musulmane d'aller au Saint-Sépulcre, c'est complètement idiot, parce que le Coran dit que Jésus n'est pas ressuscité, qu'il est monté au lieu. Voilà, donc c'est contraire au dogme. C'est contraire au dogme. Qu'elles vont offrir, parce que quand elles ont 25-50. Oui, elles vont offrir, mais non, mais c'est clair. Hein. Donc c'est complètement contraire à leur dogme, et elles continuent à le faire. Voilà. Et parce qu'elles savent que ça marche. Et ça marche parce que justement la Vierge en vie est en train de les travailler là. Hein, toutes ces petites femmes là qui sont en train de faire ce truc-là, elles sont en train de travailler. Et donc c'est notre responsabilité nous de continuer le chemin, hein, de les aider à passer les choses et le plus vite possible. Il y a une chose qui me plaît beaucoup, c'est une personne, vous savez, en ce moment on a beaucoup de petits prophètes un peu partout, alors il faut tricher, il faut être capable de discerner un peu, hein. Faut pas prendre ça comme ça complètement. Mais il y a une petite dame là en ce moment qui est en train de. Qui avait essayé il y a combien, 7-8 ans, je crois, qui recevait un truc, qui disait, c'est Jésus qui lui disait, il y a un truc qu'il faut absolument, tiens, ça c'est pour Claude, il y a un truc qu'il faut absolument apprendre à voter musulmane en France, c'est leur dire la chose suivante. Il y a un endroit où vous pouvez avoir des grâces extraordinaires. Vous allez dans une église catholique quand il n'y a personne. Vous regardez la petite lampe qui est dans l'église et vous faites votre demande. Et vous allez voir, ça marche. À qui il a dit ça, Jésus ? À une voyante, enfin une auditrice, une aspirée, voilà, et qui a transmis ça. Mais je trouve que c'est super ce truc-là. Oui, c'est tout simple. C'est génial, hein. Oui. Voilà, c'est tout simple. Vous venez à cette petite femme, vous savez, il y a un endroit génial pour avoir des grâces. Vous allez dans une église où il n'y a personne. Et Jésus explique à la chose, ça me fait tellement plaisir qu'il y ait quelqu'un autour de moi. Voilà, il explique que ça lui fait bien plaisir. C'est tout simple. Donc c'est un petit truc tout simple que vous pouvez transmettre. Je trouve que j'aime beaucoup ce petit truc-là, c'est tout bête. Hein. Donc vous dites, voilà, vous savez, là vous allez, vous regardez qu'il n'y a personne. C'est super parce qu'elles ne sont pas gênées, etc. Vous regardez qu'il n'y a personne, vous jouez, c'est le moment où il n'y a personne, et vous allez là et vous faites votre demande à la petite en rouge. C'est super. Voilà. Bon, on est dans un autre monde, là, hein, ça va ? Voilà, on sort des ordres de Notre-Dame, voilà. On atterrit dans la chambre haute, là. Voilà. Alors, vous comprenez pourquoi j'essaye de faire une chambre haute, voilà. Une constellation. Voilà, ça va ? Bon, on s'arrête, parce que c'est bien.